Salut les chums et bienvenue sur un nouveau podcast Outsider Game Design. Toujours en jeu de rôle évidemment. C'est à nouveau moi tout seul pour un podcast solo donc sur l'adversité. Alors ça risque d'être un gros morceau, j'aimerais bien le faire en 2 heures, mais bon, c'est un gros morceau donc on verra et puis sinon je ferai deux podcasts. Donc voilà, l'adversité, je vais commencer par vous renvoyer vers le podcast Café Rôliste, justement sur le sujet, qui a un sens de la confusion, de la concision qui m'échappe complètement. Donc voilà, si vous avoir le truc en une demi-heure plutôt qu'en 2 heures, allez chez eux, quoi. L'adversité, alors j'ai plein de notes, c'est le bordel, hein, je vous préviens, c'est le podcast foutraque, hein, encore une fois. Qu'est-ce que c'est l'adversité? Je dirais que c'est l'ensemble, en jeu de rôle, hein, l'ensemble des antagonistes et des périls, et puis en général, je vais y fourrer tout ce qui fait tension, quoi. Voilà, de toute façon, peut-être qu'il y a d'autres éléments de tension que l'adversité pure et dure, mais on va dire qu'en jeu de rôle, c'est quand même le cœur de ce qui crée la tension, et la tension, c'est le cœur de ce qui crée du jeu, hein. L'adversité, on pourrait le voir comme le monde, enfin une manifestation du monde qui s'oppose à la volonté du personnage ou qui s'oppose à la volonté de la joueuse. Alors ça, c'est différent et vous allez voir que ça va irriguer vachement, notamment aussi ce podcast. Je vous renverrai à l'article de Frédéric Sintès, La volonté et le monde, hein, ou La volonté contre le monde. L'outil principal en jeu de rôle pour m'autoriser l'adversité, la manifester, la rendre concrète, c'est ce qu'on appelle la résistance asymétrique. Ça veut dire que les personnages, enfin les joueuses, hein, dans la résistance symétrique, c'est vraiment ça, c'est les joueuses veulent faire des choses sur le monde, et en fait le monde résiste. Généralement le monde résiste sous la forme d'antagoniste, et donc grosso modo, on va utiliser, bah, pour voir comment ça se passe, on va utiliser un système de résolution. Alors concrètement, le système de résolution, il peut servir à faire autre chose que la résistance asymétrique, hein. Par exemple, je pense que je vais vous donner des exemples justement de si comment. On va prendre des jeux avec une résistance asymétrique faible. Il y a des jeux qui vont être dans ce que j'appelle le gaming. Alors je vous renverrai à mon article Gaming versus Playing. Bon, pour faire simple, on va dire que quand on est dans le gaming, on joue contre le jeu. Et donc dans le gaming, on va. C'est un jeu en gaming sans résistance asymétrique, ça peut être par exemple un jeu qui joue en initiative. Je prends le cas de. Comment ça s'appelle? Sword du Vote Master, le MJ il raconte que des monstres te tombent sur la gueule, et en fait, comment tu ne peux agir que si tu prends le temps de le dire, quoi. Donc, quelque part, va pouvoir en fait péter la gueule au monstre celui qui a le réflexe de le dire, quoi. Si j'ai pas le réflexe de dire que je me défends avant que le MJ me dise que je me prends un coup de hache dans la gueule, eh bien, voilà, je me suis pris le coup de hache. Un jeu en résistance asymétrique, toujours en gaming, mais avec une résistance asymétrique forte, ben, c'est tout simplement les jeux classiques, hein, avec les monstres qui ont des stats, les personnages qui ont des compétences, et puis on va grosso modo gérer le combat les uns contre les autres avec les dés, hein, tout bêtement, hein. Alors la résistance asymétrique, c'est quand même très très vaste. Là, je ne vais pas vous faire tout le menu. Allez voir l'article, hein, de Frédéric Sintès, la résistance asymétrique. On va prendre le cas des jeux en playing. Le jeu en playing, on va dire que c'est plutôt que de jouer contre le jeu, comme tu fais en gaming, tu joues avec le jeu. Ça se rapprocherait presque quand tu joues avec tes Lego que tu leur fais raconter des histoires. C'est un jeu en playing. Je vais renvoyer du coup à l'article de Vivien Féasson qui sur les jouets de rôle. Alors, c'est une hyper méga caricature, hein, gaming versus playing. En fait, il y a un continuum entre les deux, quoi. Il y a des niveaux de gaming, des niveaux de playing. Jeu de rôle, ça s'appelle role-playing game. C'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment eu... Les deux sont intriqués, quoi. Donc, un jeu en playing avec une résistance asymétrique faible, c'est par exemple un jeu où on va... On va surtout raconter ce qui se passe, quoi, en mode fair play. On peut avoir des résolutions qui soient basées, par exemple, sur pile ou face, c'est-à-dire qu'en fait, on jette le dé ou on utilise le système de résolution juste pour savoir ce qui va se passer. Tu vois, on n'est pas comme il y a l'article de Julien Delorme sur les dés. Où il explique que, à force, il a fini par aimer le résultat du dé, quel que soit le résultat que son personnage gagne ou perde. En fait, lui, ce qui l'importait, c'est qu'il était surpris par l'histoire émergente, quoi. Fanny D, voilà. Et tu peux jouer en playing avec une résistance asymétrique forte. Je vais prendre le cas d'Inforenza, en fait, où en fait. Toi, tu as envie de raconter un truc, tu as envie que ton personnage il échoue ou il réussisse, tu as envie de. Comment. Le jeu va te. Comment. C'est le. Comment le. N'importe. Enfin, par exemple, dans Inforenza, je peux raconter que je rencontre un ours. Et puis, je peux choisir d'utiliser les dés pour savoir si j'arrive à tuer l'ours, ou alors c'est une autre joueuse qui va me dire bah écoute moi je m'oppose à comment je suis pas d'accord que tu tues l'ours sans problème donc je en fait je lance les dés contre toi. Et donc du coup je pense que dans ces cas-là d'Inforenza, l'histoire de l'ours, est-ce qu'on jette les dés pour savoir si on le tue ou si on le tue pas? C'est pas du tout dans un parce qu'on joue contre le jeu ou qu'on joue les uns contre les autres. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune compétition. Enfin, il y a la compétition joueuse contre joueuse dans Inforenza, elle est faible. C'est parce qu'en fait, on demande à jeter les dés quand on se dit que ce serait cool qu'il y ait une incertitude, quoi. Et puis bon, bah quand même, dans Inforenza, une résistance asymétrique dans le sens où le jeu fournit une dramaturgie, notamment avec les résultats. Quand tu jettes les dés, tu sais pas si tu vas avoir des sacrifices, des puissances, des souffrances. Donc il va transformer quand même ton personnage. Donc voilà, ça je pense que c'est un exemple de jeu en playing avec une résistance asymétrique forte. Je me suis intéressé à savoir, à me poser la question. Est-ce que la joueuse, elle. Bon, on peut se dire que le personnage résiste contre l'adversité, que s'il y a des orques qui l'attaquent, il va essayer de se défendre. Mais est-ce que la joueuse, en fait, elle se défend contre l'adversité? Enfin, c'est-à-dire que quand elle. Justement, comment elle va piloter son personnage, dans quel état d'esprit par rapport à l'adversité? Alors, je prends le cas des jeux où il y a une adversité, des jeux ou des moments de jeu où il y a une adversité forte pour commencer. Là, il y a deux attitudes en fait. Il y a la combativité, c'est-à-dire que je vais défendre les objectifs de mon personnage, je vais défendre sa vie, je vais défendre sa santé. Je vais aussi défendre ses valeurs, ses images, et donc tout ce qui va s'y opposer, ben je vais me défendre contre. Hein. Et puis je vais aussi prendre des initiatives. Hein. C'est-à-dire que moi-même, je vais être l'adversaire du décor, des figurants, si ça suit, mais si c'est conforme à mes valeurs, quoi. Je veux dire, si je joue un paladin, je vais peut-être pas attendre que les méchants orques rappliquent dans la région. Je vais peut-être aller les chercher dans leur forêt pour les brûler, quoi. Hein. Donc là, on va dire que la joueuse, elle résiste vraiment contre l'adversité dans le jeu en combativité. Et à l'inverse, on a le jeu en mode auteur, où en fait, la joueuse va résister contre l'adversité Uniquement si ça, pour elle, ça raconte une bonne histoire. Alors, encore une fois, on raconte pas une histoire en jeu de rôle, on vit une aventure. Donc, si elle estime que c'est cool pour l'aventure, quoi. Hein, et donc, il y a des fois où elle va complètement se battre pour son personnage, mais toujours en mode auteur, juste parce qu'elle trouve ça cool. Et puis des fois, au contraire, elle va prendre des actions suboptimales contre son personnage. Le paladin va aller au-devant d'une armée d'orques alors qu'il a aucune chance de vaincre, par exemple. Alors, prenons le cas de jeu ou de moment de jeu où l'adversité est faible. Si on a une joueuse qui résiste fort contre l'adversité, en fait, on dit qu'elle joue à ce moment-là en absorption. Alors, je renvoie toujours à l'article de Frédéric Sintès, Combativité et absorption. Bon, article très complexe à saisir, hein, je le dis quand même. Et franchement, bon, bah, dès que vous pouvez avoir une discussion avec Frédéric pour en savoir plus sur ces concepts, parce que c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment complexe à saisir, c'est abyssal. L'absorption, c'est grosso modo quand tu vas profiter des moments de calme pour réactualiser les valeurs de ton personnage, pour jouer les conséquences de ce qui s'est passé, et pour préparer, en fait, bah, quelque part, c'est aussi le moment où tu vas préparer tes défenses et tes actions pour plus tard, quoi. Donc, dans l'absorption, dans les moments de calme, ben, t'es encore en mode guerre, quoi, en fait, hein, d'une certaine façon. La contemplation, donc ça, c'est quand l'adversité, elle est faible, et que la joueuse, de toute façon, elle n'est pas là pour se battre contre l'adversité. Donc, en fait, on est là, on se balade dans l'aventure, et on est juste là pour kiffer, bah, pour contempler l'aventure, quoi. C'est un peu ce qu'on fait en jeu vidéo, par exemple, quand on joue à Journey. Alors, un jeu, c'est un ensemble de libertés et de contraintes. Et donc là, moi, je me pose la question, est-ce que l'adversité, eh bien, ce serait pas, par hasard, justement, les contraintes du jeu, quoi. Alors, tu vas me dire, ouais, mais alors, par exemple, la gravité, c'est une contrainte. Est-ce qu'on peut dire que la gravité, c'est l'adversité? Alors, il y a une réponse, par exemple, dans les pièges de Grimtooth. Puisque en fait, il y a plein de pièges à base de chutes, hein, et donc on peut dire que ouais, là effectivement, quand tu dois traverser un pont de corde piégé ou sauter sur des piliers pendus au-dessus du vide, ouais, la gravité n'est pas ton ami, quoi. Hein. Oh, oui, t'as faim, Victor. Alors je vais essayer de te faire un biberon, mais alors c'est tout congelé, donc voilà, l'adversité pour toi, ça va être de boire du lait congelé. Ça va être dur, hein. Mais il va falloir que tu mâches, mais t'as pas encore dedans, c'est con. Alors, il y a l'adversité, c'est pas une. En fait, c'est vrai que quand c'est les décors et les figurants qui sont chargés de fournir une adversité, on parle de PvE, joueur contre environnement. Enfin, on peut aussi jouer en PvP, c'est joueuse contre joueuse, quoi. Et il y a un autre mode encore qu'on peut appeler en fait personnage contre personnage, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les personnages se mettent sur la gueule, mais les joueuses, en fait, les joueuses, elles sont en play, en, elles sont, elles, soit on est en jeu esthétique, et donc en fait, les joueuses, elles sont en playing, et puis elles vont en fait chorégraphier, si tu en veux, la lutte des personnages, ou alors on est en jeu tactique, et en fait, on est tout simplement dans un bon esprit de match, c'est-à-dire qu'effectivement, on joue un battle royale, les personnages sont les uns contre les autres. Mais nous, justement, on y joue dans un bon esprit, déjà dans le sens où, effectivement, on va jouer son personnage aussi combatif que possible. Mais on le fait pour servir le jeu et pour le bon amusement de tout le monde, quoi. Donc, il n'y a aucune tension entre joueuses, quoi. C'est dans un bon esprit. Alors, ça me fait penser que j'ai oublié un truc, là, quand je vous ai parlé. Combativité, absorption, mode auteur, contemplation. Et en fait, il y a une attitude de joueuse qui est entre les cinq. C'est l'agentivité. L'agentivité, c'est entre guillemets éprouver sa liberté d'action. Donc on parle d'agentivité forte, eh bien quand le jeu justement te donne assez de liberté, et en même temps l'agentivité s'éprouve à condition qu'il y ait des contraintes, hein, c'est-à-dire que quand tu es trop libre ou quand toutes les solutions te valent, eh ben, ton agentivité elle est réduite parce qu'en fait tu as l'impression que le monde bah, il est en carton-pâte, quoi, tu peux pas agir dessus. Et l'agentivité, c'est pas ça, ça peut se rapprocher de la combativité, mais c'est pas uniquement ça, parce que c'est pas uniquement lutter contre le monde. C'est tout simplement l'actionner, quoi. Par exemple, la gentilité, c'est se dire, bah tiens, on va bâtir un fief. Alors bâtir un fief, toi tu prends une initiative de joueuse, quoi. C'est pas comment, c'est pas uniquement entre guillemets faire la guerre ou se battre pour réussir à monter le fief. C'est aussi le plaisir du crafting, se dire bah voilà, on va aller couper des arbres, on va recruter des ouvriers, tout ça. Ça peut se faire sans aucune lutte, juste voilà le plaisir du crafting. On va monter des murailles tranquille, et ça, c'est un exercice de la gentilité qui se fait sans lutte, qui peut aussi d'ailleurs se faire dans la contemplation, quelque part, quoi. Alors, ça y est, je suis déjà perdu dans mes notes, il me manque une page. Hop, elle est rendue là. Ces notions, comment, bah déjà gaming versus playing, justement comment on va incarner son personnage, comment le rapport à l'adversité va nous rendre des choses naturelles ou pas, interprétées. Je vous envoie un article que j'ai écrit qui s'appelle Les portes de l'incarnation. Donc il est à la fois sur le maraudeur, le webzine du maraudeur, et puis il est aussi sur les ateliers imaginaires. Vous verrez quoi. Donc là, je me suis amusé à faire une matrice. C'est un peu le bordel. Par rapport au partage des responsabilités, le fameux qui dit quoi, quoi. Qui a l'autorité sur quoi, qui narre quoi. On va prendre d'abord les jeux en partage large. Ça veut dire quoi les gens, les jeux ou les moments en partage large, hein, parce que moi j'estime que le partage d'autorité à la narration, ça évolue déjà au cours d'une seule et même partie, quoi, hein, et c'est loin d'être uniquement paramétré par les règles du jeu, hein, c'est paramétré aussi par le style des joueuses à table. Hein, je veux dire, le jeu il a beau dire. Ouais, vas-y, c'est le MJ qui décide de tout sur une chute du décor des figurants. Je peux dire que s'il y a une joueuse bagou à la table, une joueuse experte, ou une joueuse qui aime bien raconter le souvenir de son personnage, ou expliquer d'où il vient, dire oh, je déteste les nains, c'est des connards. Toi, si tu dis je déteste les nains, c'est des connards, eh ben, le MJ, des fois, il n'aura pas le cœur de te répondre bah non, non, dans mon monde, c'est pas des connards, ils sont gentils. Peut-être que du coup, rien qu'en faisant ça, tu crées un antagonisme, tu décrètes que les nains sont des ennemis, parce que voilà, au moins toi tu les. Au pire, même si le MJ a décidé que les nains étaient gentils, toi, si tu décides que ton perso il est persuadé que les nains sont des connards, tu joues en solipsisme en fait, c'est-à-dire que tu ne fais pas de concession sur la vision que ton personnage a du monde. Le MJ te dit non, non, dans mon monde, les nains sont gentils. Ouais, mais je m'en fous, mon personnage, j'ai persuadé que les nains sont des connards. Et donc, bah, dès que j'en vois un, pour moi c'est un ennemi. Eh bien, tu viens de créer un adversaire, t'as pris un contrôle sur les figurants. Où est-ce que je veux en venir là? Bah, en fait, je veux en venir que je cherche mon biberon. Ah, il l'a. Mais c'est pas mon biberon, c'est le tien, Victor. Bah oui. Voilà, il s'impatiente là, il faut que je fasse décongeler son lait. Donc on va commencer par les jeux en partage large. Donc partage large, c'est-à-dire que la plupart des joueuses peuvent s'emparer du décor et des figurants, soit de façon complètement one again, soit de façon un petit peu régulée par le jeu, quoi. Et on va voir parmi ce jeu quels sont les jeux où l'adversité est faible. Où l'adversité. Alors. Ouais, alors quand je dis adversité faible, je voudrais plutôt parler d'adversité molle. C'est-à-dire soit effectivement il n'y a pas d'adversaire, ou il n'y a pas d'adversité, ou alors il y a une adversité, mais vraiment on la joue en mode playing, hein, c'est-à-dire que. Et en plus on a le droit de raconter soi-même comment on résout l'adversité. Et donc là on parle d'adversité molle, quoi. Alors, le témoignage, qui est un de mes jeux en développement, est conçu en adversité molle, dans le sens où c'est un jeu où on est témoin d'une horreur, d'une beauté ou d'un mystère qui nous dépasse. Et on se concentre sur raconter en fait comment le personnage vit la confrontation face à cette beauté, cette horreur, ce mystère, quoi. On est invité surtout du coup à raconter comment notre personnage voit, ressent tout ça. Mais honnêtement, le jeu, il est vraiment dans la contemplation de ça, quoi. Donc en fait, on s'en fout un peu de. Enfin, à la fois, on s'en fout de savoir que. On s'en fout de savoir effectivement si l'adversité va l'emporter sur les personnages ou non. Mais en même temps, quelque part, c'est inéluctable, quoi. C'est-à-dire, c'est dans un tagline du jeu. De toute façon. T'es dépassé par les événements. Et donc c'est à la fois un jeu où on joue des témoins et des victimes, quoi. Et pas comme dans Sombre où tu joues des victimes avec une probabilité de t'en sortir, quoi. Là, tu seras forcément victime, quoi. Et donc quelque part, le fait que ce soit perdu d'avance, eh ben c'est une adversité molle. Parce que tu vas chercher ton plaisir de jeu, tu vas le chercher ailleurs que dans la lutte. Et c'est un jeu à partage large en plus, parce que on n'incarne pas uniquement son personnage, on va aussi incarner eh bien la beauté, l'horreur, tout ça quoi. Ouais, t'as la dalle, Victor, et c'est vachement long, hein. C'est vachement long à faire du lait, à faire des congés du lait. Parce qu'en fait, j'ai oublié de sortir du congélo. Hein. Pas cool, quoi. Alors dans le même registre, on a un jeu comme Happy Together de Gaël Sacré, où c'est un jeu de façon qui est contemplatif. Les personnages ont des objectifs, en fait. Ils ont des projets, des rêves à accomplir, quoi. Donc on peut se dire qu'effectivement, il y a une petite résistance contre ça. Mais honnêtement, la résistance, c'est juste que il faut avoir raconté un certain nombre de. Enfin, il faut simplement avoir utilisé un certain nombre de qualités, avoir vécu un certain nombre de choses avant de pouvoir débloquer ton problème, quoi. Mais même quand on sait les débloquer, c'est toi qui racontes. Finalement, si tu l'as bien débloqué ou pas, ou si juste tu t'es désintéressé de la question, quoi. Honnêtement, les objectifs de personnage et puis le fait de devoir utiliser des qualités de personnage pour débloquer les problèmes, c'est vraiment un pur prétexte à la contemplation. C'est un moteur pour le jeu contemplatif, quoi. Donc là, c'est vraiment une adversité molle, voire une adversité inexistante. Alors, ensuite, je vais prendre des exemples de jeux, par exemple, dans Marche-Branche, il y a des moments en fait où le MJ il est occupé avec un groupe de joueuses. Il y a une joueuse qui est en autonomie. Et en fait, le MJ va lui dire, écoute, en ce moment, t'as tel problème qui se présente à toi. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'était un joueur, je lui avais dit, on te confie une ancienne sorcière, donc une personne qui faisait de la magie noire, et on te demande de la déconditionner, c'est-à-dire que de l'amener à renoncer à l'exercice de la magie noire. Bon, écoute, t'as un quart d'heure, 20 minutes, joue dans ta tête et raconte-nous en fait comment ça se passe, comment tu fais. D'ailleurs, j'avais bien précisé que le personnage pouvait aussi renoncer, échouer ou même carrément refuser de faire ce qu'on lui avait demandé. Et donc, grosso modo, le joueur, il joue dans sa tête bah, l'histoire, quoi. Hein, et puis après, il nous raconte ce qui s'est passé. Clairement, là, on est vraiment dans une adversité molle, quoi. Le fait qu'on raconte sa propre la propre résolution du problème, ou la non-résolution, d'ailleurs. Alors, je vais rester dans les jeux à partage large. Mais en fait, tu peux aussi avoir une adversité force. Alors, exemple, toujours dans Marche-Branche. Ça, c'est quelque chose que je fais quand je dois. Ouais, mais non, si je te libère, je vais pas pouvoir décongeler le lait. Ça va vraiment galère, quoi. Donc, dans Marche-Branche, il y a des moments, encore une fois, où. T'as un groupe de personnages, il est sur une mission, donc je m'en occupe en tant que MJ. Et du coup, pour pas laisser les joueuses qui sont en touche désœuvrées, je leur dis, bah vous êtes partis sur telle autre mission. J'avais le cas par exemple d'un groupe de joueuses où vous devez trouver comment un remède pour empêcher une géante de rétrécir. Vous avez entendu parler que ça existerait, il y aurait peut-être ce genre de remède dans la citadelle du Seigneur Sorcier. Ben, dites-moi comment vous anticipez les obstacles qui pourraient se présenter à vous, comment vous enquêtez et quel type de problème contre lesquels vous pouvez vous préparer. En fait, concrètement, là, ce que je demande, aux joueurs, c'est de me préparer les péripéties de l'aventure, quoi. Et après, je reprends la main, c'est-à-dire que je fais jouer ces péripéties et j'oppose une résistance, entre guillemets, à la volonté des joueuses, quoi. Et là, ce qui est marrant, c'est que les joueuses, quand je suis revenu vers elles, m'ont dit « Bah, en fait, c'est trop risqué, la citadelle du Seigneur Sorcier, on va pas y aller. Mais on a entendu parler que dans cette forêt, il y avait la Baba Yaga, qui est une vieille sorcière. » Et elle aurait le pouvoir, comment. Et ça se trouve, elle va pouvoir, régler notre problème, quoi. Et là, j'ai dit Amen, hein. Du coup, en fait, on a carrément changé de l'aventure que j'avais prévue. Donc, ils sont allés voir la Baba Yaga, c'est moi qui les décris. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a fait une gestion d'adversité en autonomie, je vous explique comment. C'est que. La sorcière leur a dit « Ouais, je veux bien vous donner le remède, mais en échange, vous devez résoudre une énigme. » Et j'aurais filé une carte énigme, et en fait, j'ai laissé résoudre l'énigme toute seule, quoi. Tandis que je retournais vers l'autre groupe. Et donc, quelque part, là, la résistance, elle était par une carte énigme, mais que, en fait, c'était les joueuses qui ont actionné le moteur elles-mêmes, quoi. Hein. Elles ont réfléchi sur l'énigme. Alors, je vais passer plutôt sur des jeux maintenant, parce que là c'est plutôt un moment de jeu, quoi. Le jeu innommable, dans le jeu innommable, tu as une adversité en fait, dont le seuil de difficulté augmente. Alors, innommable, il y a un partage large, bon, il y a quand même AMJ si tu veux, quoi, qui joue le décor et les figurants. Mais mine de rien, les personnages, tu peux raconter beaucoup de choses. Tu as une grosse sphère de narration autour de ton personnage. Donc, on est quand même sur un partage large, quoi. Hein, parce que tu peux raconter des choses dingues qui arrivent à ton personnage, ou que ton personnage est capable de faire. Oui, là où je voulais en venir, c'est que dans Innommable, l'adversité, le seuil de difficulté pour battre les adversaires. Il va augmenter de 1 à jusqu'à 7 en fait au cours de la partie quoi. Donc en grosso modo l'adversité est de plus en plus coriace. Bon, entre-temps les personnages peuvent devenir plus forts. Donc, quelque part il y a un équilibrage qui est inclus dans le jeu quoi. Même si effectivement il y a pas mal de choses qui vont échapper au contrôle du MJ, l'adversité va pas en être moins forte quoi. Pour tout dire, c'est quasiment un jeu qu'on pourrait. Enfin, on pourrait faire tourner les mécaniques sans raconter d'histoire, quoi. Bon, ce serait juste du jet de dés pour savoir ce qui se passe, donc ça aurait aucun intérêt. Mais c'est pour vous donner à quel point l'équilibre du jeu, il est mécanisé, il est automatisé, quoi. Toujours dans la catégorie jeux à partage large, on a les cordes sensibles, où là ça fonctionne du principe du MJ tournant. C'est-à-dire que tout simplement, chacun son tour, c'est un MJ qui se. Une joueuse différente qui se dévoue ben, pour incarner les adversaires, quoi. Dans S'échapper des faubourgs, donc c'est un jeu sans MJ. L'adversité. Enfin, c'est remarque, c'est sans MJ, mais comment chaque joueuse peut actionner les monstres et les faire se déplacer, et en fait elle le fait pour éloigner. et comment elle le fait, je pense, quand elle actionne les monstres, elle le fait dans l'intérêt de son personnage, soit parce qu'elle attire les monstres vers son personnage pour pouvoir les tuer et puis bah, ramasser du loot dessus, hein. Soit pour les rabattre vers. Vers les autres personnages pour mettre en danger les autres personnages quoi. Dans les petites choses oubliées, il y a une adversité PVP en fait qui est mécanisée dans le sens où on te demande de raconter trois souvenirs d'une relation amoureuse qui a fini en rupture quoi. Et en fait chacun pour chaque type de souvenir chaque joueuse raconte sa version. Et en fait, là, ce qu'on va mécaniser, c'est deux visions du monde qui s'opposent, quoi. Deux solipsismes qui entrent un peu en collision, quoi. Ouais, je sais, je fais de la poésie. Hop. Et donc, bah, pour finir, on a une Forenza hein, qui peut se jouer sans MJ, donc en mode complètement what the fuck anarchiste, et où en fait, l'adversité, elle est mécanisée. Ah, c'est même très très particulier dans Inforenza, puisque en fait, la puissance de l'adversaire qui va être incarnée soit par la joueuse en face, soit par toi-même, parce que tu estimes que telle chose te pose problème, quoi. Là, donc les adversaires n'ont pas de stats, et si on veut, ils sont. En fait, leur résistance, elle est proportionnelle à l'implication. Comment? À l'implication que tu as contre eux. Donc plus tu détestes un méchant, plus tu vas être balèze contre lui, mais plus il va être facile à battre, mais plus ça va te faire mal en retour, quoi. Maintenant, je prends le cas à l'inverse des jeux AMJ centré, AMJ arbitre, où grosso modo. Les joueuses, bon, elles vont surtout incarner leurs personnages, elles vont pas trop incarner le décor et les figurants, quoi. Avec, bon, évidemment, toutes les nuances hein, encore qu'on pourrait apporter. Hein. Dans ces jeux-là, est-ce qu'on a des moments où l'adversité, elle est molle? Bon, évidemment, tu veux l'avoir simplement dans les cas où le MJ il a décidé de jouer en contemplatif et en fait, il balance pas des monstres à son sou de l'heure, quoi. Il y a plein de moments calmes, tout bêtement. Hein. Parce que si on joue à on joue sur autre chose quoi, jouer des relations, jouer des paysages, jouer un voyage, ainsi de suite, jouer des discussions. Mais même en fait, on a des cas où il y a une adversité qui est diégétiquement présente, c'est-à-dire qu'il y a des monstres par exemple qui attaquent les personnages. Mais c'est une adversité molle. Dans le sens où, en fait, la résistance du monde contre la volonté de la joueuse est assez faible. Par exemple, le cas des problèmes sandbox. Ça c'est encore un cas de figure que j'avais dans Marche Branche. Dans Marche Branche, il y a certaines péripéties. Où en fait, on te donne un problème général à résoudre, et bah, tu es libre finalement de proposer la solution qui t'arrange selon ce que les compétences de ton personnage et puis tes idées en tant que joueuse, quoi. Tu as un exemple de problème sandbox qu'il y avait dans Marche Branche, la dernière partie, c'était on t'a filé comme mission de transformer une créature artificielle en humain, ou au moins. De la persuader qu'elle est bien un être humain. Bah, j'ai laissé le joueur réfléchir sur le problème 10 minutes, Et puis il est revenu me voir en me disant, bah voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un simulacre société humaine avec toutes ces créatures artificielles. Je vais leur faire, comment, je vais les marier. Il y aura des célébrations de mariage, de funérailles, il y aura des lois, il y aura des rites sociaux, des fêtes. Et en fait, comme il y aura, grosso modo, pour moi, l'humanité, c'est la société, quoi. Et donc, en faisant société, ces créatures universelles, artificielles seront persuadées d'être humaines. Bon, après, si tu veux, on a fait intervenir les dés pour voir si ces tentatives réussissaient, quoi. En tant que joueur, quand tu gères un problème sandbox, tu peux avoir l'impression que, en fait, l'adversité, elle est molle parce que, finalement, comme tu es libre de proposer la solution qui t'arrange, c'est le cas aussi dans le jeu de rôle Agone, hein, de John Harper, tu peux, contre n'importe quel problème, tu peux utiliser n'importe quelle compétence du moment que tu sais argumenter derrière, quoi. Donc tu peux tuer une hydre avec ton épée, tout comme tu peux la tuer avec ta parole. Bon, c'est valable aussi dans Influenza, d'ailleurs. Donc faut savoir que ça peut pour certains joueurs en fait être ressenti comme une adversité molle. On a l'adversité molle aussi, on l'a dans le cas des règles interprétables ou des mécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je prends le disque volant de Tencer à Donjons et Dragons, c'est un disque volant. Bon, je pense que la règle, elle a été conçue par comment elle a été conçue pour pouvoir voler tout bêtement, l'éviter, échapper au tir de flèche. Oh non, peut-être pas pour ça. Et en fait, tu peux péter le truc en disant, ouais, en fait, je vais prendre une pierre, une grosse pierre, et avec mon disque volant, je vais la lâcher sur les monstres. Du coup, je vais leur faire beaucoup plus de dégâts que je ne pourrais leur en faire à main nue ou avec des armes de jet. Et en fait, là, tu pètes le jeu, quoi. Ou c'est, grosso modo, quand le... Un autre exemple. Tu te fais, comment... Toujours dans Donjons et Dragons, tu te fais comment tu te fais attaquer tu te fais attaquer par une araignée géante et plutôt que de dire je la tape et du coup là l'équilibrage du jeu entre en jeu et tout tu dis je l'aveugle, je crève ses yeux. Bon, techniquement, Donjon Dragon le gère pas, quoi. Parce que justement, c'est vraiment. Là, c'est de l'optimisation. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu vas gagner beaucoup plus facilement contre le monstre. Mais en même temps, notamment si tu joues en mode OSR ou boîte rouge, ouais, effectivement, le MJ, il va te dire, ouais, ok, dis-moi comment tu t'y prends. Ok, effectivement, tu fais une attaque. Si elle rate son jet de sauvegarde, je sais pas quoi, elle va avoir les yeux crevés. Et du coup. Elle aura ses compétences d'attaque diminuées de moitié pour la suite. Et en fait, là, tu vois, les règles interprétables peuvent rendre l'adversité molle parce que tu dis que, bof, du moment que tu sais argumenter, que tu as une grande gueule, eh ben, les adversaires, tu vas en faire du fromage. Voilà, le MJ va céder tout le temps, quoi. Hein. Et du coup, on a la même chose en fait dans les jeux à système léger, quoi. Hein. Bon, de toute façon, D&D Boîte Rouge, c'est un jeu à système léger, quoi. Du moment que le système est léger et qui va pas lister tous les cas de figure, ça c'est la porte ouverte à l'interprétation, la porte ouverte à la négociation et donc la porte ouverte à défoncer l'adversité avec ton bagou hein, de joueuse quoi tout simplement. Et puis quand on a un jeu surtout à MJ arbitre, par exemple on joue en système 0, quoi, c'est le MJ qui tranche les situations, là c'est pareil, hein, même problème entre guillemets quoi. Alors c'est pas un problème. C'est un problème pour certaines joueuses qui ont besoin de ressentir une adversité forte. Mais si la joueuse, en fait, elle se rend pas compte, par exemple, que, en réalité, si plus elle argumente, plus elle va roxer, et que du coup, il y a une sorte de déséquilibre, elle peut très bien ne pas s'en rendre compte, donc du coup, il n'y a aucun problème pour elle. Ou elle peut très bien le conscientiser complètement et jouer en fair play, entre guillemets, faire exprès d'oublier ça, quoi, pour rester immergée dans le jeu, quoi. Donc moi, enfin vraiment, mon optique quand je théorise, c'est de dire toutes les pratiques se valent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Il n'y a que des pratiques qui vont correspondre au goût d'une joueuse ou pas, quoi. Alors ensuite, toujours dans les jeux, comment? Les jeux MJ centrés ou les jeux adversité molle, bah c'est le cas. Bah toujours quand tu racontes la résolution. Ah oui. Quand tu racontes la résolution, ou même aussi dans les jeux d'ailleurs à partage large, que ce soit un moment où on marche branche, dans marche branche où je demande à mon joueur de dire le problème, comment il se confronte avec tel adversaire. Mais même dans marche branche, tu as des moments où tu dois raconter un souvenir, quoi. Et donc tu peux raconter que tu as eu t'as eu une confrontation avec telle créature et tout. C'est ce que Jérôme Schultz appelle jouer les chaussettes, c'est-à-dire que tu joues ton personnage et tu joues son adversaire en même temps, quoi, avec des chaussettes qui se parlent. Et donc ça, effectivement, Paul Chéguet l'a théorisé sous le principe de Chéguet, où il dit, bah, quand tu fais ça, tu t'emmerdes. Encore une fois, c'est un avis qui n'engage que lui. Surtout qu'en fait, il y a des moments en fait dans le jeu. Il y a des moments chaussettes. Par exemple, quand tu écris le background de ton personnage, où effectivement tu dis bah moi j'ai un ennemi juré qui me poursuit, ou parce que t'as l'épée de Damoclès par exemple à Seven Seas, c'est pour gagner des pour gagner plus de points dans ta création de personnage. Alors l'épée de Damoclès c'est encore mieux que ça parce que c'est en fait une sorte d'avantage que tu achètes. C'est que tu dis, il y a quelque chose qui va tomber sur le coin de la gueule forcément, c'est par exemple justement un ennemi juré qui te pourchasse. Et en fait, au moment où le MJ met ça en scène, tu récupères des points d'expérience. Mais quelque part, ça veut dire que en tant que joueuse, il y a des moments où tu vas paramétrer en fait ton adversité. Mais effectivement, c'est vrai qu'une fois que l'adversité se manifeste, c'est plus toi qui en as le contrôle dans les jeux MJ centrés, et donc on peut retrouver une adversité forte, quoi. Je pense que tu peux encore garder ce sentiment d'adversité quand tu as défini qui était ton adversaire, une fois qu'il intervient, comme c'est pas au même moment, ça fonctionne, quoi. Après, je suis persuadé qu'on pourrait trouver des joueuses qui te diraient. Il est hors de question que je définisse mon ennemi, quoi. Hein. C'est à toi, MJ, de me présenter des ennemis. Parce que si je définis mon ennemi et qu'on me le fait combattre ensuite, bah en fait j'ai l'impression d'être narratrice de ma propre aventure et ça m'intéresse pas, quoi. Position extrême, mais je pense qu'il existe hein, dans le paysage. Pour finir, dans les jeux à adversité molle, à MJ centré, c'est quand tu as des choix non informés. Par exemple, t'arrives dans une auberge et le MJ en fait, il a prévu que l'aubergiste est un assassin qui va te tuer pendant ton sommeil, mais en fait, quand t'arrives, il n'y a absolument aucune façon de savoir ça, quoi. L'MJ laisse rien transparaître, et donc le choix en fait de se préparer ou pas pour résister à l'aubergiste, il est faible en fait, hein, où c'est comme le coup de. T'as prévu dans le donjon, il y a une porte à gauche, une porte à droite, le dragon est dans la porte de droite, le trésor est dans la porte de gauche, mais en fait il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a derrière les portes, on est sur une adversité molle dans le sens où la joueuse. Comme elle n'a aucun moyen de voir venir l'adversité, quand l'adversité arrive, elle se sent dépossédée, quoi. Alors, honnêtement, moi, ça, je réfute. Je réfute le principe de choix non informé. C'est-à-dire qu'en fait, le choix, il est non informé du moment que la joueuse ne pose pas les questions, quoi. Hein. Je veux dire, tu peux, porte de gauche, porte de droite, tu peux écouter aux portes, tu peux regarder par la serrure. Enfin, il y a plein de solutions émergentes pour rapporter de l'information. Alors après, effectivement, il y a des jeux quand même qui mécanisent le choix non informé. T'as raté ton jeu d'écouter aux portes. Bah ouais, effectivement, tu sais pas que le dragon il est derrière, quoi. Mais à la rigueur, je pense que là, on est sur un choix non informé. Moi qui me paraît encore, on reste sur du choix non informé, ok, j'ai raté mon jet d'écoute écoporte, je sais pas ce qui est derrière la porte. Mais il est beaucoup plus acceptable en fait. Tu dis bah oui c'est le jeu quoi. Quelque part la résistance a fait que. Bon, de même que le choix informé total, j'y crois pas non plus. Être sûr à l'avance de toutes les conséquences, de toutes les capacités de l'adversaire, de toutes. Bah non, parce que tu peux pas prédire, tu peux pas annoncer toute l'émergence possible. Alors déjà si tu le fais, ça va prendre tellement de temps que ça va être un petit peu lourd, quoi. Bon, ça c'était juste. Ah, c'était un coup de gueule, je suis colère. Non, c'était pas un coup de gueule. C'était juste pour insister sur le fait qu'entre choix non informés et choix informés, il y a un continuum, quoi. C'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a vraiment plein de nuances. Alors, je vais passer les cas, les jeux MJ centrés, MJ arbitre, où on a une adversité forte, quand même, où on sent que ça frotte bien. Alors, on avait dit que le problème sandbox pouvait être ressenti comme un problème avec une adversité molle. Du coup, on peut se dire, bah, tu vas renforcer l'adversité si en fait tu prévois une solution unique. Bah, par exemple, c'est-à-dire que les créatures artificielles, faut les transformer en être humain, le MJ en fait il va prévoir une seule et unique solution pour y arriver quoi. Je sais pas, il faut leur raconter telle histoire et tout. Et du coup c'est aux joueuses de se dépatouiller pour identifier la solution unique et la trouver quoi. Quelque part on est sur une transforme la, quelque part on est sur une résolution par énigme. L'adversité est d'autant plus forte dans ces cas-là si l'AMJ a prévu la solution à l'avance. Je prends le cas du jeu d'enquête. Si l'AMJ, elle sait pas à l'avance qui est l'assassin, et qu'en fait elle va jouer en mode miroir, c'est-à-dire que ah bah tiens, les joueuses suspectent tel personnage, ah oui bah tiens, effectivement ça ferait un assassin, c'est cool. Eh bien ça, si les joueuses s'en rendent compte. Elles peuvent être face à un sentiment d'adversité molle. Parce qu'en fait, c'est pas leur talent d'enquêtrice qui a compté, c'est plutôt leur talent de raconteuse qui a séduit la MJ, qui a décidé que effectivement, comme c'était vraiment cool qu'elles aient des soupçons sur tel personnage, ben c'est lui qui va être l'assassin, quoi. Donc si tu prévois ta solution à l'avance, ton assassin à l'avance, on va pouvoir jouer en mode Cluedo, donc on a une sensation de réelle adversité. Et donc on va te dire que, par contre, on resterait encore sur une adversité molle si finalement il n'y a aucune façon de deviner cette solution ou que c'est très difficile que la solution est très difficile à trouver, quoi. Donc par conséquent, on renforce le sentiment d'adversité si on dissémine des indices, voilà, afin que les joueuses aient des chances de trouver la solution unique. Il y a fameusement, par exemple, il y a la règle des trois indices. C'est-à-dire que pour chaque indice, en fait, il y a trois indices. Tu peux découvrir un indice de trois façons différentes, quoi. Par un informateur, par un objet, par un courrier anonyme. Et à nouveau, je vais te dire, bah, s'il y a trop d'indices. Ou si dès que les joueuses patinent, tu balances un nouvel indice, ou c'est le cas par exemple dans un donjon, bah les joueuses elles ont chi trop contre les monstres, bim, je fais pleuvoir des potions de guérison dans tous les sens, et ben on retombe sur une adversité molle quoi. Si la joueuse se rend compte qu'en fait il y a une clause d'invincibilité de son personnage ou une clause de réussite inéluctable du personnage, quoi, eh bien, elle va se dire, bah ouais, l'adversité, je la sens pas, quoi. Moi, je veux pouvoir échouer, quoi. Et je veux que ce soit dur, mais pas trop. Voilà, on est, pour le coup, on est en train de parler de réglage. Alors, à propos de réglages, j'avais parlé des règles interprétables tout à l'heure. On peut avoir un sentiment d'adversité forte si on joue sur des règles opposables. Alors, des règles opposables, c'est soit des mécaniques dures auxquelles on ne peut pas déroger. Je vais prendre un exemple. Dans Donjons et Dragons, c'est très difficile, en fait, mécaniquement, c'est très difficile de neutraliser un monstre en essayant de l'immobiliser ou de l'assommer, quoi. Alors c'est possible mais c'est compliqué parce que je pense que ça a été perçu par les game designers comme étant une façon de péter le jeu. Et donc du coup ils ont dit non non vraiment pour tuer un monstre il faut y aller avec du lourd, avec du sort, avec des trucs qui infligent des dégâts quoi. Tu peux pas assommer parce que imagine le monstre il a 100 points de vie mais tu réussis ton jet d'assommer, hop bah là t'as plus qu'à en un coup d'épée tu lui fais descendre de 100 points de vie à zéro et puis voilà quoi, tu l'as alors que c'était prévu qui tombe en 5 rounds, il va tomber en un round sans faire aucun mal au personnage. Sombre de Jeune Scipion va encore plus loin parce qu'en fait, il dit mécaniquement dans un combat, il y a vraiment que taper qui a un effet sur l'adversaire, quoi. Si tu veux te débarrasser d'un adversaire, en plus, généralement, les adversaires ne fuient pas, ils attaquent à outrance, tout ça, dans Sombre. Eh ben, il faut descendre ses points de vie à zéro en le frappant, quoi. Si tu peux essayer d'immobiliser, l'assommer, en fait, tu n'y arriveras pas. C'est tout simplement, quelque part, c'est là où la mécanique dure, c'est une mécanique en creux. C'est tout simplement pas mappé, quoi. Il n'y a pas de règle pour gérer l'assommage ou. Comment, l'assommage ou le ligotage. Enfin, je vais faire un petit bémol. C'est uniquement dans ce que le MJ définit comme une situation de stress extrême, situation justement où on lance les dés pour gérer un combat. C'est-à-dire qu'en situation de routine, eh bien, tu peux tout à fait décréter que tu assommes, que tu ligotes. C'est juste que ça va être permis en narratif. La MJ va dire, bah ouais, écoute, tu y arrives. Et en fait, il y a des moments dans Sombre comme ça où tu joues en narratif pur, et puis il y a des moments, situation de stress extrême, où là, ça va frotter, et puis il y a certaines armes qui vont être interdites, quoi. Ce qui propose des mécaniques dures, c'est aussi la prescription. Je dis n'importe quoi, je décris mon univers en disant que quand un géant rencontre un hobbit, eh ben, il le massacre d'office. Voilà, hein, ça c'est une pure prescription. Hein. Tu sais d'office que c'est géré d'avance, quoi. Alors, on avait parlé de choix non informés tout à l'heure. Il y a un intermédiaire qui s'appelle l'effet papillon. C'est-à-dire que je peux avoir voir une partie des conséquences de mon choix. Bon bah si j'attaque l'orque, il va certainement mourir. Je peux extrapoler qu'il y aura des représailles. Et en fait le MJ, il va faire jouer un effet papillon. C'est-à-dire qu'effectivement mon action, la rencontre avec l'adversaire, elle va avoir un train de conséquences long dans le temps, quoi. Et évidemment, il n'y a qu'une partie de ce train de conséquences qui va être annoncée à l'avance, quoi. Donc là, par exemple, ça renforce le sentiment d'adversité. Les choix informés le renforcent encore plus. C'est-à-dire que tu dis, si je dis attention, hein, si t'attaques l'orque, tu vas en avoir exactement 30 sur le dos plus tard, quoi. Bon bah voilà, là on sait vraiment dans quoi on s'engage. Du coup, on a peur tout de suite, entre guillemets, quoi. Et donc ça renforce le sentiment d'adversité. Les jeux à diversité forte aussi, c'est le jeu en cruauté. Par exemple, Inforenza Minima. Dans Inforenza Minima, quand tu veux, bah, par exemple, quand tu veux tuer ton adversaire, le MJ t'annonce le prix à payer et il est invité à être le plus cruel possible. Il peut aller jusqu'à dire, bah ouais, bah écoute, tu peux effectivement aller frapper ta némésis, la tuer. Mais je te préviens, en fait, comme elle est aussi forte que toi, tu vas mourir aussi, quoi. Il n'y a pas de jet de dés, tout ça, c'est annoncé à l'avance. Et du coup, c'est la joueuse qui choisit, ben, qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Bon, on va être définitivement sur deux podcasts, parce que là, j'ai fait que ma première page de notes sur 5. C'est la fête. Mais bon, honnêtement, je pense que c'est un sujet vraiment important. L'adversité, c'est, pour tout dire, quasiment, enfin, très constitutif du jeu de rôle, quoi. Et encore, justement, on peut faire des jeux de rôle sans adversité, mais c'est important justement de le théoriser pour pouvoir en faire, quoi. Un petit peu ce que je vous ai décrit là, avec ces notions d'adversité dure, d'adversité molle, c'est qu'en fait, on va avoir opposition entre une adversité qui est vraiment là comme une contrainte et une adversité qui est là comme décor. Je vais prendre un exemple, partie de Dragonfall Hotel que j'ai joué, où je raconte en fait que mon personnage est poursuivi par son ex-femme, qui en fait, elle brutalisait mon personnage, notamment elle lui infligeait des blessures avec un fer à repasser, et donc elle le poursuit pour recommencer, quoi. Quand je fais ça, je le fais uniquement parce que je trouve l'histoire intéressante et que je veux mettre ça en scène, quoi. De toute façon, dans Dragonfall Motel, j'ai le contrôle absolu sur la destinée de mon personnage. Donc, c'est vraiment du pur décor, quoi. Alors, adversité et affordance. L'affordance, c'est quand le jeu t'apprend intuitivement à jouer avec lui, tu vois, sans t'expliquer comment on doit jouer. Donc l'exemple qui est donné, il y a un article de Greg Pogor hein, là-dessus, c'est Super Mario, le premier niveau, où en fait, avec le principe de monstre qui t'arrive dessus, de briques avec un point d'interrogation, d'écran qui défile de la droite vers la gauche, tu comprends instinctivement qu'il faut aller vers la droite. Que les monstres, entre guillemets, on représente une forme de danger, et que tu peux actionner diverses choses comme les cubes. Et donc notamment l'affordance d'un jeu de rôle, c'est à quel point c'est compréhensible, par exemple, quand des monstres nous arrivent dessus, à quel point c'est compréhensible de savoir si on doit juste les tuer, ou si on a possibilité de leur échapper, de négocier, ainsi de suite, quoi. Enfin bon, grosso modo, c'est tout ce qui fait dans un jeu de rôle que, eh ben, quand une adversité nous déboule sur le coin du nez, on comprend en fait ce que le jeu nous invite à faire, quoi. Alors, c'est quoi l'effet de l'adversité sur les personnages? Qu'est-ce qui se passe quand on échoue, en fait, quand on échoue contre l'adversaire? On peut avoir un effet d'attrition. L'adversaire m'enlève mes points de vie. Il détruit mes armes, mes ressources, il tue mes alliés. Alors ça, c'est là je parle d'attrition un peu tactique, mais ça peut être une attrition morale, quoi. L'adversaire tue la femme de ma vie, par exemple. Pourquoi pas d'ailleurs une attrition esthétique où en fait l'adversaire ruine l'esthétique que j'ai faite autour de mon personnage. Il saccage, il transforme les habitants de la ville que j'avais décrite en monstres, ainsi de suite, quoi. L'autre effet, ça va être la mort, tout simplement. La mort ou l'élimination, hein, c'est-à-dire que l'adversaire il descend à 0 point de vie, il descend à 0 point de santé mentale. Tu peux plus incarner ton personnage. Donc là, pour le coup, quand tu veux créer une adversité forte, il faut que cette chance, entre guillemets, de mort ou d'élimination du personnage, il faut qu'elle soit réelle, quoi. Tu veux plus du biberon, c'est fini? Si, moi si, t'en veux encore. Et notamment, c'est pour ça, quand on veut avoir donc la mort, élimination, ça peut être l'issue d'une attrition, c'est-à-dire, voilà, au bout de X combats, t'as perdu tous tes points de vie. Ou ça peut être quelque chose de direct. Alors, par exemple, dans Donjons et Dragons, il y a certains dangers qui te tombent sur la gueule. Et ben, le MJ te demande une sauvegarde contre la mort. Et ben, si tu foires ta sauvegarde, même si tu avais 100 points de vie, tu meurs, quoi. On a le principe, notamment dans Sombre, mais bon, dans beaucoup de jeux à points de vie, hein, du moment qu'on a des adversaires balèzes, c'est l'insta-kill. C'est-à-dire que l'adversaire est tellement balèze et il a fait une telle réussite critique qu'il te tue, d'un coup. Alors normalement, par exemple, tous les personnages à la création peuvent faire un insta-kill, hein, c'est une possibilité statistique. Donc, on a en fait l'adversité qui va s'opposer ou éroder la santé du personnage. Et aussi, on a une adversité qui va s'éroder à l'efficacité du personnage. Bon, effectivement, bah, l'attrition sur les ressources, le fait que tu puisses sacrifier aussi toi-même des ressources pour atteindre des objectifs, ressources que tu auras plus pour plus tard. Hein, c'est le cas dans Inforenza, où en fait, les adversaires, si tu jettes beaucoup de dés contre eux, tu risques de perdre beaucoup de phrases, donc beaucoup de ressources. Et beaucoup d'efficacité, hein, puisque moins t'as de phrases, moins t'es efficace. Donc, il y a toujours la question de l'adversité, bah, qui a l'autorité dessus, hein? Bon, là, on en a pas mal débattu déjà. Et qui l'a. C'est-à-dire. Ça peut arriver vraiment, même dans les jeux à MJ centré, MJ arbitre. Que les joueuses se retrouvent avec une grosse autorité sur l'adversité, ne serait-ce que par exemple la joueuse experte, quoi. Je me rappelle une partie de Notre Tombeau où des adversaires tirent au pistolet sur les personnages. Le personnage réussit son. Je sais plus comment ça se passe. Mais toujours est-il que je commence à décrire la balle. La balle parce que c'est dans un couloir, la balle de l'adversaire qui ricoche contre le mur et qui vient frapper un personnage. Et en fait, il y a un joueur qui m'a dit, mais non, c'est impossible, les balles ricochent pas contre les murs et tout. Bon, honnêtement, je suis pas un expert en balistique, j'avais certainement pas le temps d'aller m'enseigner pour savoir s'il avait tort ou raison, d'ailleurs, je l'ai encore jamais fait. Donc du coup, bah, j'ai dit, ouais, ok, t'as raison, bon, ça ricoche pas, quoi. Et donc là, quelque part, bah, le joueur expert, il a pris le contrôle de l'adversité, il l'a rendu moins faible, mais bon, ça peut arriver des fois que le joueur expert, il rend l'adversité plus forte, quoi. Par exemple, tu te prends un le MJ dit, bah, le dragon, il te fait un souffle du dragon, tu perds X points de vie. Et puis un joueur qui va faire, ouais, mais en plus, il va être défiguré par le feu à mort, quoi. Donc forcément, il perd des points de charisme. Et on avait aussi la question de qui crée l'adversité. Donc il y a l'épée de Damoclès, hein, l'épée de Damoclès à Sevensee, dans Poltergeist de Vincent Baker, le MJ pose des questions à la joueuse sur ce qui fait peur à son personnage, et en fait il va créer un fantôme qui correspond aux peurs du personnage. Donc quelque part on a une création d'adversité par la joueuse. Pareil dans les quick shots de Joan Sipion, il y en a un brainstorming avant de jouer où les joueuses définissent quels sont leurs adversaires. Ouais, bah en fait, notre adversaire c'est une armée de zombies. Et puis il y a le principe du background, tu rédiges ton background, bah, tu dis ouais, bah, j'ai tel. Moi je suis pourchassé par des tueurs à gages pour X raisons. L'adversité est là notamment pour rôle de rendre le monde fictionnel solide. Et du coup, c'est pour ça que des auteurs comme Zack Smith, entre guillemets, vont défendre le fait d'avoir des bestiaires, le fait d'avoir tout un tas de choses qui sont prescrites par l'univers de jeu, parce que, et notamment justement au niveau de l'adversité, parce que ça rend le monde fictionnel solide, et donc du coup, la joueuse et l'expérience, en fait, est dans une réalité virtuelle dure, pas dans une réalité virtuelle molle, en carton-pâte, qu'elle peut modifier à loisir, mais que du coup, elle est pas immergée dedans, quoi. Si tu peux modifier la réalité virtuelle, tu peux pas être immergé dans ton personnage en même temps, quoi. Et donc, quelque part, d'ailleurs, ce qui fait l'expérience d'un jeu vidéo, si tu explores un labyrinthe, juste tu l'explores, et si dans ce labyrinthe, il y a des monstres qui t'attaquent, que tu peux... je pense qu'effectivement, la sensation de solidité du labyrynthe, elle est renforcée, quoi. Mais d'ailleurs, les murs du labyrinthe ont même sont une adversité, hein. Par exemple, quand tu fuis dans le jeu vidéo Lands of Lore, quand tu fuis un monstre et puis tu te rappelles pas bien du plan, et du coup tu fuis, mais tu te retrouves dans une impasse et le monstre t'attaque par derrière, bah, là le mur est vraiment là en tant qu'adversaire. Hein. Là tu sens bien, c'est cet enculé de mur quoi qui t'a causé problème. L'adversité, notamment, elle va chercher à prendre le contrôle du personnage. C'est le cas des démons qui vont essayer de te posséder, par exemple. Dans Démiurge de Frédéric Sintès, et je crois aussi dans Les Cordes Sensibles, quand tu perds un conflit contre un adversaire, que ce soit un autre personnage ou que ce soit un adversaire géré par le MJ, eh bien, tu vas te prendre des retombées sous la forme en fait de l'autre joueuse qui t'inflige des traits. Par exemple, on joue un conflit où mettons, comment tu joues un conflit contre un adversaire et tu le comment tu veux par exemple avoir le dessus mentalement sur lui, tu le perds. Et du coup, la joueuse en face t'inflige la retombée. Elle te donne un trait. Je suis amoureuse de mon ennemi. Avec une valeur, tout ça. Et en fait, ce qui est particulier dans les traits infligés, c'est que c'est à toi de. Ça, bon, notamment dans des murs, c'est que ce trait, tu peux l'utiliser plus tard comme avantage, mais t'es pas obligé. Donc si tu le fais, tu te retrouves quand même à amener à jouer à la conséquence. Donc tu es obligé de jouer la conséquence. Et si tu le fais pas, bah, tu as une sanction dans le fait où finalement tu as une ressource que tu as un certain nombre de dés bah, que tu peux pas acheter, quoi. Donc tout comme quelque part, finalement tout fait qui t'inflige un malus. Un malus permanent ou un malus dirigé. Par exemple, t'es amoureux de ton adversaire comme t'as foiré le jet de psychologie contre lui. Eh bien, tu vas avoir moins 5 dans tous les prochains jets sociaux contre lui, quoi. Bon, bah, c'est pareil, c'est une prise de contrôle du PJ, quoi. Et on se retrouve avec des notions d'adversité interne. C'est-à-dire que l'adversaire du personnage, ça peut être lui-même. Dans les cordes sensibles, notamment. Le personnage a des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui en fait le brident dans la résolution de son problème, quoi. Du style, je veux réussir à réussir. Mon problème, c'est je veux réussir à écrire un grand roman, et ma croyance limitante, c'est je pense que je suis un mauvais écrivain. Donc là, on a une adversité interne. Tout le cas des blessures et des folies, hein, c'est une adversité interne. Hein. Une fois que le personnage a encaissé ou a acheté des blessures et des folies, il va se retrouver avec des malus, avec des comportements obligés. Et donc, du coup, il va se retrouver l'adversaire de toi-même, quoi. Si tu prends comme folie, tu pulsion suicidaire, t'es obligé de faire une tentative de suicide. Bon, bah voilà, là, l'adversaire, c'est toi-même, quoi. On a aussi. Dans l'adversité interne, la notion de tension entre ce que veut le personnage et ce que veut la joueuse, notamment c'est présent l'opposition destin contre karma dans des jeux comme Tenga, Jérôme Larry, qu'on va aussi retrouver un petit peu pas mal dans Sur les frontières de Manuel Bédoué. Donc là, je fais un petit inventaire à la Prévert de différents adversaires et adversités externes pour le coup. La première que je vais lister, c'est la catastrophe, le monde qui s'effondre, l'apocalypse. Donc là, c'est carrément finalement la totalité du monde qui est adversaire, puisque il met en péril l'existence du personnage en s'effondrant sur lui-même. Alors ça peut être en fait quelque chose du fait, par exemple, de MJ ou de joueuses qui vont saboter ou saborder une campagne en cours. Justement, en décrétant, bah, c'est la fin du monde. Ça peut être une fin vraiment concrète, le monde implose et tout, machin, quoi. Ou ça peut être. Ou ça peut être aussi. En fait, c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que on annonce que tous les problèmes sont résolus, quoi, et du coup, on peut plus jouer, quoi. Voilà, ça y est, il n'y a plus d'adversaires qui arrivent, c'est le monde des bisounours. Du coup, la campagne, elle est morte, quoi. Et donc, en fait. Bon, tout comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire dans le sens où le MJ a prévu que l'adversité c'était la fin du monde, et il y a moyen de lutter contre. Ou tout comme ça peut être un décor, moi je sais que j'aime beaucoup dans Inforenza, quand je joue un vertige logique, décrire effectivement le monde entier qui se fait inonder ou qui s'effondre, la réalité qui pète par tous les bouts. Bon, c'est comment généralement c'est du décorum. C'est un peu un timer. Il est rare que le monde se pète à la fin de comment d'ici la fin de la partie. Et puis en général, quand je raconte ça, les joueuses, je les vois jamais réagir en disant bah, j'essaye de réparer le monde, quoi. On voit bien que c'est juste qu'on a juste mis en place un décor qui s'effondre bah, pour le style, quoi, pour avoir un beau décor de fin du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que je rappelle quand même que la fin de l'adversité, c'est la fin de l'aventure, quoi. Donc, encore une fois, l'adversité, ben, l'existence de l'adversité, elle est nécessaire à l'existence de l'aventure, quoi. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, quoi. Donc, une fois qu'on a dit, ils vécurent, voilà, ils ont battu le dragon, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin bon, avoir des enfants, c'est une aventure, hein, n'est-ce pas, Victor? Eh bien, voilà, bah, clap de fin, et puis on range les feux de perso. Alors, parmi les adversaires, il y a les méchants. Les méchants, ils peuvent être ontologiquement méchants. Voilà, les gobelins sont chaotiques, mauvais. Bon, forcément, ils sont méchants, c'est comme ça. Ils n'ont pas le choix, ils sont nés comme ça. Ou évidemment, on a les méchants qui, en fait, ont des raisons d'être méchants, quoi. Ou sont. Et on a les gentils. C'est-à-dire, les gentils, c'est les adversaires qui sont persuadés d'être gentils. Hein. Encore une fois, je reprends mon cas d'Al Capone, qui était persuadé d'être un chic type. Ou alors ils sont vraiment gentils. Et en fait c'est les PJ les méchants. Dans le jeu Violence de Steve Jackson, bah, c'est un peu ça quoi. On joue des espèces de psychopathes bah, qui vont massacrer des citoyens innocents parce qu'ils vivent le monde moderne comme si c'était un donjon. Bah, en fait là on a des adversaires qui sont gentils. On a des adversaires dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont ni gentils ni méchants, mais ils sont juste dangereux, quoi. Bon, voilà, il y a une limace de feu qui traverse la forêt et qui brûle tout ce qui bouge. Voilà, elle ne fait pas exprès, hein, mais c'est juste que de toute façon, elle est dangereuse, elle est comme ça, quoi. Il y a une pluie acide, bon, bah voilà, c'est dangereux. La pluie est ni gentille ni méchante, hein. On a les adversaires qui sont vengeurs, c'est-à-dire qu'ils en veulent personnellement au personnage. Ou alors ils en veulent personnellement à une population dont fait partie les personnages, ou les personnages sont des substituts de vengeance, c'est-à-dire par exemple je veux m'en venger un tueur qui veut se venger de son père abusif, mais son père est mort et enterré, et il se met à tuer toutes les figures d'autorité, les personnages en font partie donc il s'en prend à eux, bon, voilà on a un personnage vengeur quoi. On a des adversaires intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à la situation, ils vont changer de tactique si leur première tactique est éventée, et on a des adversaires stupides, quoi. Donc, voilà, ils ont généralement une seule phase. Déjà, ils ne changent pas d'avis, des adversaires stupides. Enfin, encore qu'ils peuvent avoir la possibilité de fuir, quoi. Je pense que tu peux faire un adversaire stupide qui a un score de morale quand même. Et généralement, ils n'ont pas 36 lignes de conduite, quoi. C'est soit l'attaque, soit la fuite. Voilà, c'est basique, hein. On a les adversaires adversité aléatoire. Bah voilà, c'est un incident, un effondrement par exemple. Voilà, tu fais un jet dans. Je rappelle, j'avais fait un petit jeu où on jouait des mineurs nains et en fait, à chaque fois que tu allais dans un nouveau couloir, il y avait telle probabilité que le couloir s'effondre parce qu'il était mal étayé et tout ça. On a comment? Monstres. Bah, les monstres errants, c'est une adversité aléatoire, quoi. Dans HeroQuest, quand tu tirais des cartes chance, tu avais une certaine probabilité de tomber sur un monstre errant. Ou un piège, d'ailleurs, qui était aussi aléatoire, quoi. On a des adversaires mobiles, bon, qui peuvent être. Par exemple une pierre qui roule et qui se déplace en fait dans le donjon donc c'est un petit peu aléatoire est-ce que tu vas l'avoir sur la gueule ou pas quoi puis il y a des adversaires immobiles bon bah typiquement le cas typique du piège hein, c'est un adversaire immobile mais on a aussi des monstres qui sont immobiles soit parce qu'ils gardent un endroit soit parce que c'est par exemple dans Milvaux on peut imaginer un arbre tueur bon bah il est immobile il est enraciné quoi donc il attaque tout ce qu'il porte à vue il a peut-être une petite portée Bon, le vorgne, c'est une créature qui a des grands tentacules. Elle est immobile, mais elle peut attraper en fait d'assez loin des personnages, quoi. On a l'adversaire franc. Ça se voit sur sa gueule qui va te taper. Enfin voilà, ici c'est cash. ont des adversaires qui sont traîtres, hein, bon bah toute la catégorie des félons, des taupes, ou des personnages, ou tout simplement des adversaires qui t'attaquent en embuscade. Et on a les adversaires bipolaires qui sont à la fois ton ami, qui sont neutres des fois, ou des fois ils sont ton ennemi. J'avais fait un bit-able de l'appel de Cthulhu, où il y avait deux équipes en fait de mercenaires qui étaient sur une mission. Et en fait, chacun avait un commanditaire, et chaque commanditaire avait briefé son équipe en disant que l'autre équipe, c'était vraiment des connards et qu'il fallait tirer, enfin, qu'ils allaient certainement tirer à vue s'ils rencontraient notre équipe, et du coup il fallait être prêt à riposter, voire même si on pouvait tirer les premiers, c'était plus sûr, quoi. Et en fait, en l'occurrence, les deux commanditaires, c'était la même personne, c'était une personne bipolaire qui se déguisait en fait, qui se grimait, donc elle avait deux looks différents selon. Et voilà, en fait, la mission qu'elle avait commanditée, les deux mercenaires avaient la même mission. Le commanditaire, il voulait sincèrement que la mission soit accomplie, mais il avait ce côté bipolaire en fait qui faisait que comment qui bah, qui qu'il avait en fait deux personnalités qui s'opposaient, quoi. Enfin, c'était plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait il savait pas qu'il avait deux personnalités. Et chaque personnalité enquêtait sur l'autre commanditaire, et en disant, ouais, alors, putain, il y a une équipe qui est en train de se monter pour aller dans la même zone que j'envoie mon équipe. Vu ce que je sais sur les personnes qui la composent, c'est des durs de durs et tout. Je sens que ceux-là, ils vont nous tirer à vue dessus, quoi. Donc je vais briefer mon équipe. Wow, c'était vraiment tordu, hein. Un type d'adversaire que j'aime bien parce que c'est très subtil, il y a beaucoup de choses à en faire, c'est les policiers. Bon, voilà, la police ou tout ce qui est milice, enfin tout ce qui fait justice en fait dans un univers, quoi. On va dire que les policiers, bah, ils s'attaquent à toi à partir du moment où tu commets un crime. Donc déjà, c'est marrant parce que c'est, si on veut, une adversité que les joueuses vont actionner et déclencher, quoi, en faisant un crime, quoi. Donc soit on a trois types de policiers, on a les policiers qui sont informés, c'est-à-dire qu'ils savent que tu as commis un crime, tout simplement parce qu'ils t'ont vu le faire par exemple, ou tu as été dénoncé très vite. Hein. Ceux-là, ils peuvent être justes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des justiciers, voilà, tu as vraiment commis un crime dégueulasse et bah, ils sont là pour te capturer, te punir, quoi. Ou ils peuvent être injustes. Bah, tout simplement, ça peut être dans Perfect, par exemple, de Avery McDonald. Les personnages commettent des crimes, mais en fait, ces crimes, ils sont pas graves, quoi. Ça peut être, pas grave au vu de nos valeurs morales contemporaines, quoi. Dans le sens, bah, mon personnage est un homme qui s'habille en femme parce qu'il a des questions identitaires. Bah, les policiers viennent l'arrêter et le torturer parce que dans le monde de Perfect, on ne supporte pas comment la confusion des genres, quoi. Ou mon personnage fait des graffitis sur le mur, on vient l'arrêter et le torturer parce que dans le monde de Perfect, toute expression artistique est punie de mort, et ainsi de suite, quoi. Là, on a des adversaires, on va dire, des policiers injustes. Et puis, un autre type de policier, c'est simplement un policier qui fait une erreur judiciaire, quoi. Soit parce qu'il est nul, et donc il croit que t'es le coupable alors que pas, ou parce que il a, en fait, d'autres adversaires ont fabriqué ton dénoncé, ou ont fabriqué des preuves compromettantes contre toi. Généralement, ça, c'est un bon démarrage de scénario quand les flics viennent t'arrêter pour un crime que tu n'as pas commis. Généralement, d'ailleurs, c'est utilisé comme motivateur pour te motiver à mener l'enquête toi-même pour pouvoir te dédouaner, quoi. Donc, dans tous les scénarios d'enquête, ça arrive, quoi. On a le policier enquêteur, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est toi le coupable. Et du coup, il va enquêter pour te démasquer, quoi. Et donc, l'adversité contre lui va jouer dans le fait d'essayer de faire foirer son enquête, quoi, hein, en maquillant ses indices, peut-être en allant voler des preuves dans le commissariat, ainsi de suite. Et le dernier type de policier, bah, c'est Columbo. Columbo, dès le départ, il sait que t'es l'assassin. Il sait que t'es le coupable. Et juste ce qu'il va essayer de faire maintenant, c'est même pas d'amasser les preuves parce qu'à la limite il les a déjà. Mais grosso modo, il sait que les preuves sont insuffisantes devant un tribunal. Et donc, c'est quelque part, il va te forcer à te pousser à commettre la faute, qui va te pousser à révéler malgré toi où sont cachées les véritables preuves accablantes, ou qui va te pousser à révéler la faille qu'il y a dans ton alibi, et ainsi de suite, quoi. Alors, la suite de mes notes, elle est dans mon portable. Tac, alors dans mon portable, j'avais mis plein de trucs. Hop. Alors, je consulte mon portable, oui, voilà, donc gros moment de blanc. Vous pouvez aller vous faire cuire des pâtes en même temps que je trouve. Hop, hop, hop. Alors, personnage versus univers. Non, c'est pas ça. Hop. Tac. Ah voilà, l'adversité méchante, dangereuse, vengeresse, aléatoire, donc ça on l'a vu. Peut-être parler vite fait de la prédation en fait. C'est-à-dire qu'on a des adversaires qui sont des prédateurs. En fait, s'ils t'attaquent, bah, c'est juste parce qu'ils ont besoin de se nourrir, quoi. Et que tu aies de la bouffe. Et donc, on a la prédation, on a d'autres formes, en fait, hein, un petit peu écosystémiques. On a tout ce qui est pas le parasite, des relations de parasitisme. Bon, alors on va dire on a des relations de symbiose, du coup c'est pas un adversaire. On a des relations de commensalisme, c'est-à-dire que l'adversaire il va t'emmerder, te consommer des ressources, les rats ils vont te bouffer tes provisions par exemple. Mais c'est pas, il est clair que l'adversaire ne met pas en danger ta survie quoi. Mais bon, il sait quand même, il peut t'emmerder. En fait finalement on peut parler d'adversaire nuisible. Alors, commensalisme, en théorie, c'est pas forcément nuisible, mais bon, là, en l'occurrence, des rats qui bouffent tes provisions, tu vas les considérer comme nuisibles. Élevage, non, culture, ok. Donc, j'en ai parlé vite fait, mais il y a l'adversaire gardien, en fait. Bah, lui, il est là pour garder une porte. Et donc, si tu t'intéresses pas à la porte, il s'intéressera pas à toi. Si tu veux franchir la porte, eh ben, ça va frotter, quoi. Hop. Il y a ce qu'on a... J'ai envie de dire l'agression à sens unique. C'est-à-dire que l'adversaire t'agresse et toi, de toute façon, toi, tu peux pas l'agresser. Tu peux que te défendre ou essayer de fuir, mais tu sais, de toute façon, tu peux rien lui faire. Par exemple, on fait du germinal et comment tu vas dans une galerie et tu te prends un coup de grisou. Bon bah le coup de grisou, tu peux rien faire contre lui, hein. Je veux dire, tu peux pas attaquer le coup de grisou. C'est une nappe de gaz qui t'embrase. Voilà quoi. Alors c'est un cas un peu différent, mais c'est t'es dans un donjon et en fait il y a des chauves-souris géantes qui sont pendues au plafond. Elles sont hors de ta portée, elles sont planquées, c'est-à-dire que toi en fait, si tu peux entrer, enfin fatalement toi t'as rien contre elles au départ. Et quand t'arrives, elles vont te tomber dessus et t'attaquer quoi. Bon, c'est un cas un peu bizarre mais prédation mutuelle, ok. Ouais, enfin, disons que ça c'est des... Bon, on va surtout dire que ça c'est un adversaire, tu peux éventuellement riposter contre la chauve-souris, la tuer, quoi. Ou même la tuer en prévision, parce que tu t'allumes ta torche et tu vois que tu lèves la tête, tu vois qu'il y a plein de chauves-souris au mur, et puis du coup tu lances une boule de feu pour t'en débarrasser préventivement. Et on peut avoir des prédations mutuelles, quoi. C'est-à-dire... Bah, je me fais attaquer par un loup qui crève de faim. Bah, moi aussi, je crève de faim. Et en fait, à la rigueur, je vais essayer de tuer le loup pour le bouffer. Par exemple, il y avait ça dans mon scénario pour Milvaux Sombres, Mildew, quoi. Où justement, il y avait pas mal d'attrition par la faim dans le scénar. Et donc, quand tu te fais attaquer par un loup, t'es tenté effectivement de riposter pour pouvoir bouffer, quoi. Donc bon, les combats contre les adversaires, hein, je donne là quand même beaucoup d'exemples où c'est des combats à mort, quoi. Il y a évidemment l'alternative classique qui est Bah, l'objectif c'est de faire fuir l'adversaire, quoi, donc de miner son moral. Et c'est pas uniquement, enfin, soit généralement c'est typiquement, s'il y a la moitié des adversaires qui sont morts, il y a un jet de morale, ou si l'adversaire a perdu la moitié de ses points de vie, il y a un jet de morale. Mais ça peut être aussi, tu vas pas attaquer avec tes armes, tu vas essayer de faire peur à l'adversaire, quoi. Hein. Le barde qui joue du corps ou qui appelle des renforts imaginaires, par exemple. Tu peux essayer de négocier avec ton adversaire, quoi. Bon, écoutez, les gobelins, on va pas se battre. Allez, je vous file 15 pièces d'or et puis vous tracez ailleurs, quoi. Et puis, des fois, tu vas essayer de transformer ton adversaire, tout simplement, d'en faire un ami, quoi, ou utiliser un sort de charme, ou je sais pas quoi, pour transformer, en fait, que l'adversaire arrête d'être agressif. Encore une fois, mais je pense qu'on a déjà bien étayé, notamment en parlant de gaming versus playing. L'adversaire, il a. Ah oui, si, au type d'adversaire. L'adversaire, il a une fonction qui peut être ludique, mais qui est aussi narrative, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il est là pour raconter une histoire, quoi. Hein. 4 sur 4. Tiens, j'avais pas. Ah, les bumpers, ils sont où? C'est plus loin. Adversité solo. Ouais, bah, si, je vais prendre un exemple. Dans Mildew, toujours, l'adversaire narratif, on voit vraiment le cas de l'adversaire qui est là pour raconter une histoire, quoi, une belle histoire de vengeance, voilà, c'est quand même chouette qu'il y a un dragon majestueux dans l'histoire. Mais aussi, on a des adversaires qui sont des utilités narratives, et à la fois ludiques et narratives. Par exemple, dans mon scénario Mildew, les personnages doivent traverser un chemin au milieu de la forêt pour aller livrer une cargaison. On va dire que la majorité de l'aventure que j'ai prévue, elle se passe sur le chemin. Les trucs cool, ils sont sur le chemin, quoi. Les personnages peuvent sortir du chemin, s'aventurer dans la forêt, mais c'est hyper dangereux. Il y a plein d'adversaires dans la forêt qui sont là pour les harceler, les repousser vers le chemin, quoi. Donc si tu t'entêtes en fait à te balader dans la forêt trop longtemps, eh ben tu vas juste mourir, quoi. Donc voilà, c'est des personnages qui sont là, des adversaires qui sont là pour repousser en fait, eh bien les joueuses entre guillemets, bah pour le coup les repousser vers mon scénario, on va dire les choses comme elles sont, quoi. Sur la négociation, parfois, j'irais même souvent en fait, ce sont les personnages qui ruinent toute possibilité de négociation en attaquant les premiers. Ça, c'est toujours rigolo en fait. J'aime bien t'entendre le rappeler. Ouais, mais en fait, vous auriez pu négocier. Pourquoi vous êtes allé au combat perdant la moitié de vos points de vie à l'occasion? Ah bah, ouais, on n'y a pas pensé. Rolling notre rouge. Hop. L'adversaire, il peut être un véritable. En fait, il peut être utile pour le personnage. Je prends le cas du jeu Dungeon Twister. C'est un jeu de plateau, mais on pourrait l'extrapoler en jeu de rôle, hein, c'est pas un problème. Où en fait, les personnages doivent traverser un donjon jusqu'à une sortie. Et sur le donjon, en fait, il y a plein de pièges, tout ça, machin. Et en fait, évidemment, ils peuvent se prendre les pièges eux-mêmes. C'est tout à fait possible. Mais ils peuvent aussi actionner les pièges de façon à ce que actionner les pièges ou entre guillemets s'arranger pour repousser les monstres, notamment en faisant glisser des salles pour qu'en fait les pièges et les monstres ben, ils se déclenchent sur les personnages des autres. Donc du coup on a une adversité qui aide les joueurs en fait dans leur jeu PVP, quoi. Bon, tout comme l'adversité peut être. Tu peux avoir deux adversaires puis les retourner les uns contre les autres aussi, hein, c'est possible. Clac. Est-ce que j'ai encore des notes sur mon téléphone? Le rôle de l'adversaire, ça peut être aussi de lier le groupe. Par exemple, dans Psy Run de Maggie Baker, si ma mémoire est bonne, les personnages sont des amnésiques, donc tu as envie de dire, il y a le concept de groupe, c'est zéro, quoi. Hein, je dis, quand ils se réveillent, ils se connaissent pas. Mais ils sont pourchassés. Ils sont tous pourchassés par les hommes en noir. Et donc, fatalement, absence d'objectif individuel de personnage, amnésie, plus je suis pourchassé par un ennemi commun, eh ben on va d'instinct en fait, se mettre en groupe et en fait, voilà, se fuir ensemble, quoi. Alors, on pourrait imaginer des parties de Psyrun où en fait chacun fuit de son côté, quoi. Mais je pense que là, du coup, à mon avis, il y a la dynamique sociale du groupe qui va faire le reste et on va pas le faire, quoi. Donc, hein, à chaque fois, en fait, quand je parle d'adversaire, je dis décor. Ça peut être des décors ou des figurants. Mais bon, en fait, en jeu de rôle, décor et figurant, c'est la même chose, hein. C'est des utilités. Hein. Tac. Le monde de jeu, en fait, c'est l'ensemble des ressources des personnages, de leurs attaches, mais aussi effectivement de l'adversité. De l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est des choses qui font décor et qui sont pas actionnées contre les PJ. Hein. C'est des obstacles, hein, donc une forme d'adversaire, quoi. C'est des freins. Eh ben, typiquement, pourquoi pas, effectivement. Par exemple, dans les montagnes hallucinées. Il me semble qu'il y a, y a des gens dans le bateau qui sabotent en fait, qui sabotent le matériel pour que l'expédition arrive plus tard, voire n'arrive jamais, quoi. J'aime bien prendre le cas du marché. Tu te balades dans un marché et en fait, que ce soit le décor, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les étals et compagnie, ou que ce soit les figurants qui se baladent dans le truc, pour le moment. C'est neutre, c'est de l'arrière-plan. Et en fait, ça peut se transformer, quoi. Si tu te mets à voler une pomme ou une orange et que les marchands te courent après, ils deviennent des adversaires, quoi. Donc t'as actionné l'arrière-plan et du coup tu as transformé en adversité. Dans les Monty Python, comment il y a le héros qui est poursuivi par les Romains, il est poursuivi dans le marché, du coup il s'arrête chez vendeur de fausses barbes. De fausse barbe, et puis il dit comment je t'achète une barbe? Et en fait, le vendeur de fausse barbe, oui, mais d'accord, mais d'abord il faut négocier, en fait, il lui fait perdre du temps. Quelque part, le vendeur de fausse barbe, dans cette histoire, c'est devenu un adversaire, quoi. Oui, mettez des vendeurs de fausse barbe dans vos jeux, ce sera apprécié. Hop. Donc ouais sur les stats des adversaires, j'avais pas mal de choses à dire. Tac. Comment on met en statistique les adversaires, quoi. Donc les adversaires, ça peut être des sacs de points de vie, de compétences, de motivation, de plein de trucs. Ça peut être très très complexe. Tout comme ça peut être Sébastien Desfineaux qui dit dans un podcast. Moi, mon adversaire, il a besoin que d'une caractéristique, c'est résister au personnage. Et d'ailleurs, ça existe depuis Tunnel et Troll, hein, puisque Tunnel et Troll, les personnes et les monstres sont juste définis par un niveau de puissance, et puis basta, quoi. Dans un jeu comme Apocalypse World, les adversaires n'ont pas de caractéristiques chiffrées. Mais ils ont quand même certains dénominatifs, certains objectifs. Voilà, ils peuvent être contaminants, bruyants, je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs quand même caractéristiques qu'ils ont, quoi. Et puis également, ils sont quand même aussi définis par un code de dégâts dans Inflorenza. Dans le fût, les adversaires n'ont pas de statistiques, mais en fait, la façon dont ils sont décrits va définir les bonus et les malus que tu peux avoir à agir contre eux, quoi. Donc même si l'adversaire n'a pas de stats et qui met, même si c'est la joueuse qui lance les dés uniquement, on voit bien que y a quelque sorte une caractérisation chiffrée du potentiel de l'adversaire, quoi. Dans Inforenza, tout court, finalement, c'est très particulier dans le sens où plus tu juges l'adversaire dangereux, plus tu as envie de le battre aussi, plus tu le détestes, plus tu es lié à lui, plus tu vas pouvoir lancer des dés contre lui. Puis aussi, à la limite, plus tu as du vécu, plus tu vas lancer des dés, ainsi de suite, quoi. Donc ça définit un petit peu le seuil de difficulté pour battre l'adversaire, quoi. Mais aussi, ce qui est marrant, c'est que plus tu lances 2 dés, plus tu as de chances d'avoir une réussite excessive qui va cramer ton personnage, en fait. Et donc, si on veut, les ennemis intimes, les ennemis importants, majeurs, que tu vas affronter lors du climax, tu as à la fois beaucoup de chances de les mettre à terre, mais beaucoup de chances de t'en sortir très mal, quoi. Donc ça c'est une mécanique je pense qui est assez spécifique à Inforenza. Dans Inforenza Minima, les adversaires n'ont aucune statistique, ils sont décrits de façon purement narrative. En l'occurrence, du coup, le combat contre eux va être juste géré sous forme de prix à payer. Donc je reprends l'exemple hein, le jeu en cruauté, et ben, si tu veux tuer ton ennemi juré, eh bien oui, mais tu vas mourir en même temps, quoi. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça va être ouais, mais si tu t'engages dans le combat, il y a ton sidekick qui va forcément te suivre et il va se prendre une blessure mortelle, quoi. Et ainsi de suite, quoi. Et donc là, si on veut, on pourrait dire que c'est un adversaire qui est défini par l'attrition qui va créer si on s'oppose à lui. Mais c'est jamais défini à l'avance, c'est à la volée, quoi. C'est en fonction de la situation. Ça me paraît, c'est rare, ça me paraît difficile. Bon, après, ça pourrait être une façon de hacker Inforenza, hein, minima. Ça me paraît difficile que le MJ prévoie à l'avance le type de prix à payer qu'il va demander contre tel adversaire, quoi. C'est vraiment de l'impro, quoi. Alors, hop. Ah, et les Marissous, hein, ça je vais mettre ça. Je vais parler plus tard des Marissous. Hop. Tac. On peut stater aussi, en fait, mettre en statistique l'adversité globale. Un peu comme dans les jeux vidéo, on a le mode touriste, on a le mode normal, le mode cauchemar. Bon bah dans l'appel de Cthulhu, on a le mode horreur et puis le mode aventure, quoi. Et donc du coup on peut régler l'adversité globale du monde. Par exemple dans le DK, moi je sais que je m'étais fait une matrice pour calculer en fait la puissance des monstres en proportion au niveau des personnages. Bon, je m'étais mis un multiplicateur en fait pour calculer le score de puissance des monstres, mais bon, le multiplicateur c'était moi qui l'avais réglé. Je me dis bon, si je mets ce multiplicateur là, je pense que j'aurai une difficulté de combat qui me convient, ainsi de suite, quoi. Hop, alors j'ai fini les notes de mon téléphone. Là, il est midi, j'ai un quart d'heure. Bon, moi, je vais essayer d'avancer quand même dans le plan. Tac. On a la théorie du monde juste. Dans la théorie du monde juste, eh bien, il arrive. Ce qui arrive au personnage, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Et que du coup, les gentils dans le dragon de poche, en fait, si les personnages sont plutôt gentils, quoi, sont plutôt loyaux, enfin tout ce que tu veux, quoi, eh bien, on va plutôt. En cas de difficulté majeure, le MJ va mettre en place un Deus Ex Machina, c'est-à-dire. Il y a un PNJ ou quelque chose, un événement qui va sauver les personnages à la dernière minute, quoi. Ça veut dire, pour faire simple, en quelque sorte, que dans Dragon de Poche, il y a une clause, qu'il y a quasiment une clause d'immortalité, voire même d'invincibilité, des personnages du moment qui se comportent comme des gentils, quoi. Bon, j'extrapole, hein, parce que c'est moins défini que ça, hein, par le grume, enfin, donc chacun fait ses réglages. Et inversement, toujours dans Dragon de Poche, hein, qui fonctionne sur une théorie du monde juste, si les personnages se comportent comme des salauds, ils ont tout à fait le droit, mais le monde sera sans pitié avec eux. Alors, juste pour information, en théorie du monde juste, ça peut être dégueulasse en fait. Si je prends le monde réel, en fait, les victimes de viol sont souvent en fait considérées comme à moitié complices de leur agression parce qu'elles se sont montrées, on estime qu'elles se sont montrées imprudentes, voire même tentatrices, hein, provocantes, quoi. Ça, c'est en fait les gens qui pensent ça, qui vont blâmer les victimes de viol, le font parce qu'ils se disent le viol c'est tellement horrible, ça ne peut pas arriver à une bonne personne. Donc la personne a forcément fait quelque chose de mal pour mériter ce qui lui arrive. Et donc quelque part, quand on applique une théorie du monde juste en JDR, on a ce type de raisonnement, quoi. Alors bon, faites gaffe, hein, si vous manipulez le viol en jeu de rôle, quoi. Faites vraiment gaffe, faites très très très gaffe. Mais ça peut être appliqué à plein de trucs. Le personnage décide de se balader dans la forêt sans prendre d'équipement particulier ni aucune précaution, il y va tout seul. Je pense que la plupart des MJ vont dire, bah ouais, bah là, il faut que je fasse intervenir un monstre. Paf, ah bah c'est théorie du monde juste. Le personnage s'est montré imprudent, punition, sanction. Inversement, on a la théorie du monde injuste, qui est de dire, bah en fait, le monde n'a pas de volonté. Il n'est, enfin, c'est, en fait, c'est pas vraiment qui. D'ailleurs, c'est pas vraiment qu'il est injuste. En fait, c'est qu'il est, il est ni juste ni injuste. Il est arbitraire, aléatoire. Et donc, si les monstres s'en prennent à toi, c'est pas parce que t'es gentil ou méchant. C'est juste parce que t'es au mauvais endroit au mauvais moment. Ça veut aussi dire toute l'OSR avec le principe Forget Game Balance, oublie l'équilibre du jeu, qui disent que en fait tu vas, si t'as le malheur d'aller dans la mauvaise porte, d'entrer dans la mauvaise pièce, celle où il y a le dragon alors que tu es niveau 0, eh ben tu vas te faire cramer la gueule, point quoi, c'est comme ça. Bah ouais, c'est complètement injuste, mais ça part du principe que voilà, le monde il n'est pas équilibré, il n'est pas juste, l'adversité elle est pas forcément à être ajustée au personnage, quoi. Ou à récompenser ou punir leur comportement. Ça veut aussi dire que si tu joues en théorie du monde injuste, à l'inverse, tu peux aussi, par exemple, dire, jouer une partie où ce qui arrive pas mal dans COPS, où les joueuses trouvent le coupable, et puis comment il est arrêté, mais elles comprennent bien qu'il n'ira jamais en tôle parce qu'il a des protections, tout ça. Et voilà, tu découvres là en plein la théorie du monde injuste. C'est pas parce que les joueuses ont fait. Là en fait, on a défini que l'adversaire, de base, on a défini que l'adversaire finirait de toute façon pas en prison. Et pour finir, s'oppose à ces deux théories, le monde transactionnel. Le monde transactionnel, il dit. Ce qui compte en fait, c'est les transactions. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quoi, tu peux battre n'importe quel adversaire du moment que tu es prêt à accepter la transaction qui est en échange, quoi. Donc, Influenza Minima fonctionne en monde transactionnel, quoi. Dans Odyssea, s'il y a un messager, comment? Il est dit que les messagers qui viennent t'apporter les mauvaises nouvelles, c'est forcément tes proches, les gens que tu aimes. Mais tu sais que si tu tues le messager, eh bien, tu peux inverser la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire changer le passé pour que la mauvaise nouvelle n'ait jamais eu lieu. Et donc c'est du style, écoute, ton fils vient d'annoncer que ton père est mort. Et ben, tu sais que si tu tues ton fils, ton père ne sera pas mort. Il va ressusciter ou n'importe quoi. Et ben en fait le messager devient une forme d'adversaire et c'est juste du moment que tu payes la transaction, l'adversité comment tombe quoi. plutôt, on est dans un cas où finalement l'adversité est toujours présente, quoi. C'est presque à la limite, tu peux être vu sous l'autre angle. En fait, le seul choix que tu as, c'est savoir qui te fait du mal, quoi. En quelque sorte, quoi. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une notion d'objectif qui peut être accomplie, hein, dans une forêt des minima. L'adversité peut être. Comment? Le surgissement d'adversité peut être l'objet d'un dilemme. Je vais prendre le cas de Roméo et Juliette. Donc, Roméo et Juliette, ils savent pertinemment que leurs deux familles se détestent et que s'ils sortent ensemble, eh bien, ça va très mal se passer pour eux parce que la guerre entre les familles va s'amplifier et parce qu'il y aura des représailles physiques contre eux, quoi. En quelque sorte, en fait, Roméo et Juliette, en choisissant de vivre une idylle, eh bien, ils déclenchent l'adversité. Et sans doute que les choses auraient été plus apaisées, plus faciles à vivre. Il y aurait eu aucun moins, beaucoup moins de danger s'ils ne l'avaient pas fait, quoi. Alors, l'adversité et l'objectif, et les objectifs. En fait, notamment dans les jeux en caractère centré sur le personnage, ou dans les jeux moraux, on va demander aux joueuses de. Il y a deux choses, ouais, les objectifs puis les attaches, quoi. Mais en fait, grosso modo, si la joueuse définit un objectif pour son personnage, la MJ va créer des adversaires qui vont s'y opposer à la réalisation de cet objectif. Si je dis que je vais chercher un trésor, eh ben, il y aura des monstres sur la route du trésor. Si je dis que je veux ramener la paix dans les contrées, eh ben, y a des gens qui vont vouloir m'assassiner pour m'empêcher de rétablir la paix ou qui vont faire des actions contre moi, quoi. Hop. Et en quelque sorte, on se retrouve et pareil, si tu définis des attaches, ah bah il y a mon petit frère qui m'accompagne toujours. Eh ben, la MJ, si on est sur un jeu en cruauté notamment, elle va dire, bah ouais, bah ok, il y a des gobelins qui attaquent ton petit frère, quoi. Et en fait, on se retrouve dans une espèce de situation où quand le personnage déclare vouloir protéger quelque chose, eh bien en fait, ça met ce quelque chose en danger. Donc ça veut dire que si la joueuse annonce vouloir protéger quelque chose, elle sait qu'elle le met en danger. Ce qui peut des fois placer dans des situations des situations de te dire bah ouais mais du coup je peux pas exercer ma combativité parce que tu me demandes de définir à l'avance mes attaches, mais j'ai très bien compris que les attaches que je vais définir, tu vas les attaquer. Quelque part la réparation de ce truc, c'est de permettre au personnage de créer, on a ça un peu dans Apocalypse World, des personnages qui au départ n'ont aucun objectif, donc pour tout dire assez peu de personnalité, n'ont aucune. Ils ont des attaches, mais elles viennent de. Entre guillemets. Ils sont pas obligés de s'y attacher, quoi. Le taulier, il a une communauté. Mais nulle part le jeu t'oblige à aimer ta communauté, quoi. Tu peux en avoir rien à foutre de la perdre. Bon, si tu le fais, tu perds des ressources, quoi. Mais l'attachement, il n'est pas défini, quoi. En quelque sorte, bon, j'exagère un peu, mais la solution totale, c'est tu fais créer aux joueuses des clochards amnésiques. Et du coup, tu sais que je l'ai fait attaquer par des monstres random. Bon, bah effectivement, la joueuse n'a pas été mise dans la position de créer des trucs pour les mettre en danger. Donc, à aucun moment, elle est mise en mode auteur. Alors après, si j'aurais poussé le bouchon un peu loin, il y a un moment, la combativité implique toujours un mode auteur, parce que le simple fait de dire je vais à ta table, je vais jouer un personnage, c'est mettre en danger. En fait, jouer un personnage, c'est mettre en danger son personnage. Si tu veux qu'il arrive rien à ton guerrier dans le donjon, bah, je suis désolé, gamin. Faut pas jouer un guerrier. Il faut pas jouer au jeu, quoi. Hein. Donc la combativité, c'est C'est une espèce de yo-yo entre je j'accepte comment, de mettre quelque chose en danger, mais je veux ensuite l'oublier pour défendre en fait ce quelque chose de bec et ongles pour être afin d'être immergé dans le personnage, quoi. Voilà, c'est vraiment abyssal, hein, la combativité. Mais là, je suis content d'avoir un petit peu observé cette nuance, quoi. Et on a aussi la notion de tabou, en fait. C'est-à-dire que le rôle de l'adversité, ça peut être de passer des tabous. Donc là, notamment dans le jeu moral, avec des adversaires qui sont pas là pour faire mal à ton personnage, mais qui sont là pour l'humilier, qui sont là pour... Bah là, on en revient à la question du viol. Et donc là, c'est important aussi, je pense, pour les joueuses de savoir définir enfin, qu'on leur permette de définir leur tabou. Et moi, par exemple, dans Apocalypse World, à l'issue de la création de personnages, j'avais une beauté fatale et je me suis retrouvé en position de trop craindre que mon personnage soit victime d'agression sexuelle. Et ça m'était trop mal à l'aise. Du coup, hein, finalement, c'était un genre d'adversité que je ne voulais pas gérer, quoi. Parce que bon, c'est vrai que le personnage avait les moyens de se défendre contre ça, mais même, et en fait, du coup, pour pouvoir jouer, j'ai posé le tabou suivant en disant, mon personnage ne peut pas être, enfin, j'interdis que mon personnage soit victime d'agression sexuelle. Grosso modo, j'ai prévenu les autres joueuses, enfin, j'aurais demandé de ne pas jouer ça, quoi. Mais par exemple, c'est cas typique de la joueuse qui est phobique des araignées et qui va interdire au MJ de mettre en scène des araignées géantes, quoi. Ah voilà, c'est moins atroce comme tabou, mais bon, ça, j'ai déjà rencontré aussi, hein. Donc j'ai une joueuse avec qui je sais que j'ai pas droit aux araignées, quoi. J'ai une joueuse, je sais, avec qui je sais que j'ai pas droit aux papillons. Je veux pas la faire attaquer par des papillons. Alors sur cette histoire de comment je vous renverrai là au compte rendu Apocalypse Source s'appelle Jouer avec le feu où justement je débat sur cette question de l'agression sexuelle. Alors il y a l'adversité qu'on gère en solo. Je vous ai parlé un petit peu de l'expérience de pensée que j'avais à Marchebranche où je disais ça pouvait être où je laissais entre guillemets des fois les joueuses résoudre enfin se confronter à des problèmes dans leur tête, quoi. C'est un peu formalisé dans des jeux solo tels que Beloved de Ben Lehman, où justement tu racontes comment tu affrontes un monstre et comment tu arrives à le vaincre. Donc c'est toi qui décris le monstre dans ta tête, tu t'imagines le combat dans ta tête, t'imagines comment ça finit, tout ça. Peut-être que tu as 2-3 questions sur le monstre, mais c'est quand même très très libre. The Beast, qui est un jeu où tu as des relations sexuelles avec un monstre, va en fait amener des événements aléatoires sous forme de cartes que tu pioches. Et donc du coup, l'adversité, entre guillemets, elle est aléatoire. Enfin, c'est toi qui y a des événements, c'est toi qui dis comment tu y réagis, quoi. Mais on est sur une adversité aléatoire, quoi. Ça, ce sont des techniques qu'on peut largement importer en jeu à plusieurs, quoi. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est de l'adversité molle et tout. Ok, très bien. L'adversité molle, elle a tout son intérêt aussi. Ça dépend des joueuses. Est-ce qu'elle veut une adversité dure, une adversité molle? Alors, j'ai une petite grille de lecture, en fait, quand on a une adversité plus ou moins élevée en fonction, toujours en fonction du partage de narration. Je vais vous montrer comment, en resserrant le partage de narration, c'est-à-dire en laissant de plus en plus de choses entre les mains du MJ, on va augmenter l'adversité. Dans les jeux sans MJ, par exemple, on peut être dans des cas, dans des situations où il y a vraiment une adversité molle. Dans Dragonfly Motel, tout le monde raconte ce qu'il veut, tu as absolument le contrôle sur le devenir de ton personnage. Puis au pire, si quelqu'un dit un monstre tue ton personnage, la scène d'après, tu as le droit de dire ouais, en fait, mon personnage, on dirait qu'il n'est pas mort. Bon, là, en plus, c'est du jeu sans MJ et sans cohérence, alors on est vraiment sur une adversité archi molle, quoi. Jeu MJ tournant, on peut avoir une adversité molle par l'appel de scène. Bah, je prends le cas des cordes sensibles, où en fait c'est la joueuse quand c'est son tour qui dit on va jouer une scène d'introspection ou alors on va jouer une scène d'adversité. Donc c'est la joueuse qui dit en fait que là en ce moment je voudrais me faire agresser en quelque sorte. Donc on peut avoir un sentiment d'adversité molle quand même. Je prends un autre cas, c'était dans Influenza, je fais un appel de scène, c'est-à-dire que je dis, en fait, les autres joueuses racontent qu'on est en train de, avec notre caravane, on est en train d'essayer de traverser, de longer une forêt, une rivière glacée. Et je dis, ah oui, bah, il y a telle nana, mon personnage, on est un peu amoureux, quoi. Et j'aimerais bien, en fait, qu'elle ait un problème, qu'elle tombe à l'eau. Du coup, je vais aller essayer de la sauver dans l'eau glacée, quoi. Donc après, c'est un MJ tournant qui a réglé comment ça se passait, quoi. Mais honnêtement, j'ai quand même très, très largement décidé de ce que je faisais. Et donc là, on va couper. Ah, et puis, je pense que je referai un petit raboutage. Alors, je voudrais juste refaire un point, en fait. J'étais en train de parler des appels de scène, mais je me rends compte que j'oublie quelque chose. On parlait des tabous, hein, des tabous que pouvaient poser les joueuses. Il y a aussi la notion d'attache sacrée. C'est-à-dire que, il y a des fois la joueuse, elle aura envie de dire, bon, par exemple, ce figurant, c'est la personne que j'aime et tout. Elle est, je rappelle. Il y a une partie d'arbre qui s'appelle le manoir où il y avait un joueur qui se trimballait avec une louve et tu sentais que le personnage était hyper, la louve était hyper importante pour son personnage. On peut avoir envie de dire au MJ, écoute, mon épouse, ma louve, enfin bref, voire même mon épée vorpale, ça c'est un truc qui est vraiment important pour mon personnage. Ça veut dire que si tu casses, si tu me le prends, eh ben j'aurais plus aucun intérêt à jouer, quoi. Et donc du coup, parce que c'est vrai que d'habitude le MJ va être tenté de s'en prendre, de faire ses, comment, ses, son adversité, il va la concentrer sur les attaches des personnages, soit il le fait, eh bien, comment justement pour créer de l'émotion. Ah ouais, effectivement, là, une fois que ton figurant préféré va mourir, tué par les orques, tu auras vraiment la haine contre les orques. Ou des fois juste en les prenant en fait ces attaches comme des red shirts. Hein, les red shirts, c'est un figurant qui est chargé de mourir ben, sous le feu de l'adversité. Pour expliquer en fait aux joueuses à quel point l'adversité est balèze, quoi. C'est aussi quelque chose qui est une astuce de MJ en fait, quand tu oses pas tuer les personnages, eh ben, tu tues les figurants autour d'eux, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que tu vas pas avoir besoin en tant que joueuse de sacraliser certaines de ces attaches. Voilà, juste parce que tu sais que si le MJ s'en prend à elle, eh bien ça va te faire trop mal et tu pourras plus jouer. Bon, après, c'est des fois la question de se dire, bah non, justement, ça va me faire vachement mal, mais du coup, je vais rebondir là-dessus, mon personnage va péter un câble, et puis finalement, il y aura une intensité que je regrette pas, quoi. Ça, c'est à vous de juger, hein. Dans les tabous, il y avait aussi, par exemple, on va interdire, donc, parce que soit on a interdit à l'adversité de s'en prendre à notre personnage d'une certaine façon, mais on peut aussi interdire à l'adversité de s'en prendre à des figurants, par exemple, en disant, moi, je supporte pas les jeux de rôle où il y a des violences contre les enfants. Donc, ça veut dire, tes monstres, tu les fais pas attaquer des enfants, quoi. Alors, donc j'en étais, alors, plus entre guillemets, plus on resserre la narration et plus on a d'adversité. Bon, peut-être que les exemples que j'ai pris sont volontairement dans ce sens-là, hein, parce que je vous ai quand même montré des exemples de jeux sans MJ, par exemple, avec une adversité dure, quoi. Donc après les appels de scène, un peu partage un peu plus de pouvoir dans l'MJ, un peu plus d'adversité, c'est les questions du MJ qu'on a notamment en Apocalypse World. Ça va être par exemple, truc tout bête, quel est ton pire ennemi? Plus subtil, ça va être, il y a cette nana qui t'attaque avec une tronçonneuse, dis-moi pourquoi elle t'en veut autant, quoi. Ou ça va être mais pourquoi tu as si peur de l'ours qu'il y a dans la forêt, quoi. Et donc, quelque part, c'est une façon de donner discrètement du pouvoir narratif à la joueuse, et notamment, de façon discrète, tu vas l'inviter à définir avec toi l'adversité, quoi. Donc il y en a avec qui ça va passer, puis il y en a qui vont te dire mais t'es en train de faire, soit ils vont te dire t'es en train de me faire mon boulot, je veux pas faire ton boulot MJ, hein, donc les ennemis c'est toi qui les définis l'intégralité, ou ça des fois ça va être bah écoute bah j'en sais rien, je savais pas qu'il y avait un ours dans la forêt, donc des fois la joueuse va botter en touche parce que sinon elle aurait un sentiment d'adversité molle. De même, on a le jeu en mode miroir qui est un peu plus discret en fait que les questions MJ, les questions du MJ. C'est-à-dire que le MJ pose pas forcément de questions comme ça orientées à la joueuse, mais en fait il est à l'affût dès que la joueuse fait une spéculation, émet une idée, des fois même un peu en méta, en disant comment bah, vous êtes dans une forêt, qu'est-ce que vous faites? La joueuse fait ah bah comment je prends des torches au cas où il y aurait des loups. Ou je vais aller me renseigner, savoir s'il y a des brigands. Ou vas-y, ça se trouve, il y a un dragon dans cette forêt. Et bien, hop, en fait, le jeu en mode miroir, c'est que le MJ, il va finalement peupler la forêt avec les éléments des spéculations et des hypothèses des joueuses. On défend, on détourne un peu le truc. Ah bah ouais, je vais mettre un dragon, mais ça va être un dragon nécromant. Comme ça va les surprendre. Ou alors, je vais m'amuser en faisant croire, effectivement, les rumeurs sur l'existence d'un dragon vont enfler, mais en fait, c'est un canular ou une fausse légende. Le jeu en mode miroir, ça marche jusqu'au moment où les joueuses s'en rendent compte et disent, ah, mais en fait, toutes les idées qu'on a dites, tu les as remises dans le jeu. Non. Donc, c'est vous qui voyez. Ensuite, on a le jeu à mission. Donc là, bon, vraiment, le MJ, il a tout contrôle sur les décors et les figurants, c'est pas le problème, quoi. Et donc, il va définir une adversité, mais qui est un peu extrinsèque au personnage. C'est-à-dire que c'est une adversité qui s'attaquerait pas au personnage si les personnages ne faisaient rien. Par exemple, le dragon, il a kidnappé un prince. Les personnages pourraient en avoir rien à foutre, sauf qu'il y a le roi qui va voir les personnages, puis il leur dit, je vous paye 1000 brouzouf si vous allez tuer le dragon pour récupérer le prince, quoi. Là, en fait, on est une adversité qui est pas encore trop trop dure, parce que si tu veux, les personnages sont, enfin, les joueuses ne sont pas forcément hyper impliquées émotionnellement dans le truc, quoi. Du coup, pour aller plus vers les extrêmes, on a le jeu toujours avec MJ centré et tout, mais en plus centré sur les personnages. C'est-à-dire que je vais en fait présenter une adversité qui est vraiment personnalisée, qui va s'attaquer spécifiquement aux personnages, qui est liée à leur histoire, éventuellement à leurs objectifs. Donc, les références biblio pour faire ce type de jeu, je vous invite à un article que j'ai écrit qui s'appelle chez Script, qui s'appelle Jouer centré sur le personnage. Vous avez aussi l'article de Grégory Pogorzelski, encore lui, sans lui, le jeu de rôle en serait encore. A rendu à HeroQuest, hein. qui s'appelle Rendre les choses personnelles dans le recueil Mener des parties de jeux de rôle. Voilà, Rendre les choses personnelles, un excellent article. Le reproche qu'on va pouvoir faire à ce type de jeu, c'est finalement des fois que du coup les reproches que j'ai dit, hein, par exemple définir ses objectifs, définir ses valeurs, c'est les mettre en danger. Donc la joueuse peut finalement sentir que l'adversité est tellement dure que du coup est tellement personnalisée, tellement implacable. On a aussi ça avec les adversités qui s'arrêtent jamais. Dans l'OSR, on a une notion de flux d'adversité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une adversité à gérer, il y a toujours un problème qui survient, il y en a même plusieurs en même temps, on est obligé de les gérer comme on peut, quoi. Un peu comme les missions dans Marche Orange, il y a toujours trois missions d'un coup. Donc en fait, pas trop d'adversité, tue l'adversité en quelque sorte, puisque la joueuse va dire je peux pas défendre mon personnage dans un monde où en fait il est perpétuellement agressé avec et en plus agressé de façon très intime, quoi. Alors c'est marrant, du coup le jeu Character Centered, c'est à la fois le Graal de la combativité et aussi c'est aussi la fin de la comptabilité, de la combativité en quelque sorte, encore une fois une histoire de réglage. Pour faire du jeu centré sur le personnage, il y a deux façons de faire qui n'ont pas la même intensité. La première, c'est de créer des personnages vierges. C'est quoi un personnage vierge? C'est un amnésique, ou c'est un clochard sans attache, ou quelqu'un voilà, qui a perdu tous ses proches. Ah, mes parents sont morts, truc machin. Éventuellement, dont les valeurs sont pas spécialement définies. Et en fait, on va rendre les choses personnelles, pour reprendre le titre de l'article de Greg Pogor, au fur et à mesure, par le jeu, quoi. Hein. Donc par ce qui va arriver au personnage. Si dès qu'on voit qu'il y a un truc qui intéresse le personnage, on va creuser dans cette direction-là et tout, on va amener l'adversité vers cette direction-là, avec notamment dans Inferenza Minima la pratique de donner des offrandes aux joueuses, c'est-à-dire bah tiens, il y a un personnage qui vient te voir, il t'aime bien, il voudrait être ton apprenti, ta compagne. Du coup, tu vas tisser des liens avec. Et bim, après il y a les orques qui vont attaquer, évidemment. Donc l'inverse, entre guillemets, bah c'est au contraire créer dès le départ des personnages étoffés, avec des liens entre eux, des liens avec leur environnement, des objectifs définis par les joueuses. Donc là, si on veut, eh bien, ça a l'intérêt que les joueuses vont se sentir extrêmement concernées par ce qui leur arrive. Elles vont être immergées dans leur personnage dès le départ parce qu'elles l'auront défini. Mais encore une fois, il y a le sentiment qui peut être de... ouais, ça nuit à ma combativité parce que j'ai défini moi-même, j'ai tendu moi-même le bâton pour me faire battre, quoi, en me créant des attaches et compagnie, quoi. Mais quand on lit l'article combativité, c'est toujours en couple avec l'absorption, et donc je pense que c'est jamais vu comme étant quelque chose de pur, quoi, parce que c'est quasiment injouable en fait, la combativité pure, comme vous le voyez, quoi. Et donc pour finir avec plus on resserre les partages, tout ça, je voulais faire une référence à tous les jeux où les adversaires n'ont pas de statistiques. Et en fait, du coup, c'est à la joueuse de lancer les dés contre l'adversaire. Et des fois, tu as un sentiment que tu peux lancer les dés tout le temps. Et ça crée des situations bizarres. Par exemple, quand j'ai joué à The Agents. Un jeu de Magimax où on joue un peu X-Files, hein, pour faire simple. Et bien, à un moment, le personnage se retrouve kidnappé par extraterrestre, il est dans une station extraterrestre, et il me fait, bah écoute, je fais un jet de pirater informatique, je vais pirater les systèmes du vaisseau, quoi. Alors, sur le coup, je lui ai répondu oui, parce que c'est vrai que c'est la philosophie de ce genre de jeu, mais après coup, je me suis dit, bah en fait, s'il n'y a aucune adversité, tu te dis, enfin. Je vois pas comment un informaticien terrestre serait capable de hacker de l'informatique extraterrestre, quoi. Alors du coup, pour lui autoriser le GD, j'étais même obligé de tordre un peu mon aventure. J'ai dit oui, bah en fait, l'informatique extraterrestre, il se trouve qu'elle a été donnée aux humains dans les années 50. Donc en fait, l'informatique terrestre, c'est jamais que c'est la même chose. Donc c'est normal que tu saches hacker, parce qu'en fait, Windows, ça a été amené sur Terre par les extraterrestres, quoi. Donc il fonctionne sous Windows, tu peux les pirater. Bon, ça va que la partie était humoristique, hein, parce que vraiment, là, pour justifier que tu avais le droit de jeter le dé, j'ai quand même dû vraiment bien péter mon adversité, quoi. Et donc, du coup, l'approche inverse, ça pourrait être de se dire, bon, bah, il y a certains adversaires, on va considérer qu'ils sont invincibles. Par exemple, dans une partie d'Inforenza, les personnages rencontrent le pape qui est corrompu en fait par une entité du mythe de Cthulhu, donc il est censé être ultra balèze, je décris comme suintant la malignité, enfin qui dégage vraiment une impression de puissance et de ténèbres. Et dans la foulée, je précise, c'est vrai que dans Inforenza, tu peux jeter les dés contre tout et n'importe quoi. Je dis lui, c'est pas la peine. C'est pas la peine de jeter les dés contre lui. Vous gagnerez pas, quoi. Et là, l'idée, c'est que ça apprend l'adversité est intéressante parce que non, t'es obligé de renoncer à la combattre. C'est un type de. En fait, c'est une question de crédibilité, quoi. Par exemple, je vais prendre un exemple, partie d'Innommable, où c'est pareil, on peut jeter les dés contre tout et n'importe quoi. En climax de partie, il rencontre Shub-Niggurath, quoi, en personne. Donc, grosso modo, c'est un espèce de grand ancien du mythe de Cthulhu, ultra méga balèze. Et finalement, j'aurais accordé un jet de dés, c'était dans un vaisseau spatial, et m'ont dit, bah, on dépressurise la zone où il est, donc on l'éjecte dans l'espace, quoi. J'aurais jamais, je pense, accordé de jet de dés pour le tuer, quoi. Mais là, bon, ok, j'ai fait très bien, bon, bah, vous avez le droit de jeter le dé, puis encore, ils ont réussi, donc ils ont balancé Shub-Niggurath dans l'espace. Donc il est pas mort, parce que Shub-Niggurath résiste au vaisseau spatial, évidemment, mais il a été. Le danger a été écarté pour quelque temps, mais quelque part, j'hésite. Je me dis peut-être que j'aurais dû dire, bah non, tu rencontres Shub-Niggurath, le simple fait de le voir, ça t'écrase le cerveau, tu te mets à pourrir sur pied, voilà, t'es mort. Non, non, il n'y a pas de jet de dés, je suis désolé, tant pis, je triche avec les règles d'innommable, mais en même temps, innommable, c'est de l'horreur métaphysique, t'es face à quelque chose qui te dépasse. Donc là, vu cette situation, finalement, est-ce que je reste. Peut-être que je suis mieux fidèle au jeu en jouant comme ça. Bon. C'était une question que j'ai eue après avoir joué. Là, la partie, elle s'appelle Mars, hein, vous avez le compte-rendu aussi en ligne. Alors, il y a le personnage mortel, le personnage invisible, invincible, sauf certaines conditions. Par exemple, dans Eliwood, qui est un jeu où tu joues du polar, il y a la notion d'indice de tension. Les gros pontes, par exemple, le parrain de la mafia, en fait, en situation calme, tu peux pas sortir ton gun et lui tirer dessus, parce qu'il y a un vernis social quand même qui t'interdit de le faire, quoi. Et donc en fait, il faut attendre que l'indice de tension monte jusqu'à un certain score pour avoir le droit de le buter. Ben, concrètement, le MJ va faire monter l'indice de tension en fonction des situations précédentes. Donc sans doute que au bout d'un moment, quand le parrain de la mafia t'a bien fait du mal, ou tout simplement parce que là c'est le climax de la partie, bah bim, t'annonces, ah ouais, l'indice de tension il est monté à 40. Là, tu peux tirer sur n'importe qui, quel que soit son statut social. Ensuite, ces histoires de personnages invincibles, ça permet peut-être de rendre crédible ce que Jérôme Larrey appelle les quatre intrigues moisies. Donc dans son article, par exemple, il y a l'énigme non résolue. C'est-à-dire qu'un personnage essaie de résoudre une énigme, mais c'est tellement dur qu'il y renonce. Ou il y a le monstre caché, hein. Bon, je cite un peu de mémoire. Le monstre caché, c'est en fait un monstre pourchasse le personnage, mais le personnage ne s'en rend jamais compte. Bon, le monstre caché, chaud à mettre en place. Mais il y a peut-être un challenge, si on veut, de game design, à se dire, est-ce que ces intrigues moisies, elles ont un intérêt? Je pense par exemple le monstre caché ou l'énigme non résolue. Je pense que ça aurait un intérêt dans le cadre du jeu, le témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure, où finalement l'adversité est un décor, quoi. Et voilà, jouer, ça permettrait notamment de jouer un film comme Zodiac. Ou Zodiac, ou Memories of Murder, où c'est des enquêteurs qui pourchassent un tueur qui est. Eux sont à la fois trop désorganisés et le tueur est trop performant pour qu'ils arrivent jamais à découvrir qui est le tueur, quoi. Donc ils sont face à un adversaire, bah voilà, invincible, qui provoque une situation d'énigmes non résolues. Alors par contre, des fois, l'adversaire invincible, en fait, c'est un pivot autour duquel l'aventure elle va tourner. Soit parce que ouais, t'as tel problème, la solution la plus évidente, ça pourrait être de tuer tel adversaire, mais en fait il est intuable, donc tu dois retrouver une autre solution. Bah, et quelque part, le pape invincible, là, dans mon scénario d'Inforenza, c'était sans doute un PNJ invincible qui avait une fonction de pivot, quoi. Donc voilà, c'est vrai que là, dans la dimension d'adversité, on a toujours la question de savoir est-ce qu'il faut que les personnages puissent triompher à la fin de l'adversité, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'ils puissent toujours échouer? Qu'est-ce qui est intéressant? Alors ça va nous renvoyer aux enjeux ludiques et narratifs, hein, dont parle toujours Sébastien Delfino. Et du coup, la question que j'ai envie de poser. Qui échoue en fait? Enfin, en fait, quand le personnage échoue, qui échoue? Est-ce que c'est un échec du MJ? Ah bah merde, je me suis pas rendu compte, j'ai créé des personnages trop balèzes, du coup des figurants trop balèzes, du coup vous êtes mort. J'ai pas pu vous amener jusqu'à la fin de mon scénario. Est-ce que c'est un échec des joueuses? Bah du genre, on joue tactique, bah, on n'a pas bien géré, du coup nos personnages sont morts. Est-ce que c'est juste l'échec des personnages? Il y a des fois en fait, bah t'as envie en tant que joueuse que les personnages échouent. Il y a des fois en tant que MJ, tu as envie que les joueuses échouent, enfin que t'as envie que les personnages échouent parce que derrière tu veux amener un message, tu veux édifier ou en Alors des fois, tu vas vraiment le décréter, bah, avec des PNJ, des PJ invincibles, par exemple. Hein. Je vais donner un autre exemple. Je suis en train de concevoir un jeu d'enquête qui s'appelle Psychomeurtre. Et donc, tu joues des enquueurs qui pourchassent un tueur en série. Et il est défini que c'est impossible de rencontrer le tueur avant la scène de fin de confrontation. Donc déjà, ça donne quand même une certaine puissance au tueur. Ça veut dire qu'il aura sans doute le temps de faire commettre plusieurs meurtres avant qu'on puisse le confondre, le voir, quoi. Alors, ça se trouve, tu peux le rencontrer, mais dans ces cas-là, tu sauras même pas que c'est lui, quoi. Hein. Et c'est pas, il y a des scènes intermédiaires où on joue, les joueuses prennent des figurants pour un petit temps, et en fait, c'est des scènes où les figurants se font tuer, par exemple. Et en fait, quand le tueur intervient dans la scène, eh bien, s'il veut tuer le figurant, il y a aucun jet de dé à faire. Enfin, le tueur a toujours le dessus, quoi. Voilà encore un rôle des personnages, des adversaires invincibles. Alors, crédibilité, cinématique. Bah, le rôle des personnages invincibles aussi, c'est ils ont un rôle de cinématique. On voit clairement que dans Sens Mort de Romaric Briand, il y a des moments où tu vas affronter Miphos Khadria, qui est le grand méchant de la campagne. Tu l'affrontes avec ses sbires, et en fait, on sait d'avance que Miphos Khadria gagne le combat, quoi. C'est impossible de tuer Miphos Khadria à ce moment-là de la campagne, parce qu'il reste encore 5 bouquins, et voilà, on se garde. Enfin, peut-être qu'à la confrontation finale, on pourra le tuer. J'avoue que j'ai pas lu, de 1, j'ai pas lu les derniers tomes de la campagne, puis de 2, je pense que je vais me faire taper si je vous laisse poli, donc. Si je voulais divulgâche, on va dire espèce de divulgâcheur, tu m'as divulgâché. Voilà, ne divulgâchez pas, c'est mal. Alors, il me reste encore quelques petites notes pour conclure vite fait. Tac. Parmi le rôle des adversaires, ils sont là en fait pour provoquer des boucles de gameplay. Je vais donner un exemple. Je sais qu'il y a des adversaires, je sais qu'il y a une adversité, des adversaires contre lesquels je dois me défendre. Du coup, voir que, bah comment. Du coup, je vais avoir besoin de looter, c'est-à-dire récupérer des équipements d'une façon ou d'une autre. Donc, ça veut dire que je vais faire des actions d'exploration. Pour récupérer du loot, ça veut dire que je vais faire des actions de préparation, je vais aussi faire des actions d'enquête et tout. Donc voilà, on voit clairement que la présence d'adversaires va créer des boucles de gameplay. Et des fois, cette boucle de gameplay, elle peut être une sorte de noyau tactique. Qui va être au service d'autres choses, quoi. Par exemple, du jeu esthétique, eh ben, comme je disais, voilà, le réflexe de loot va engendrer un réflexe d'exploration. J'avais un cas dans une partie d'arbre qui s'appelle le manoir, où les personnages ont eu tout un tas de problèmes avec des monstres contre lesquels ils n'étaient pas bien équipés. Ils arrivent dans un château. Et là, il y a un des personnages qui fait, moi j'explore toutes les pièces à la recherche d'armes, tout ça. Et donc du coup, bah, mon décor que j'ai prévu, mon château hanté, il s'est mis à l'explorer. Donc c'était intéressant d'un point de vue esthétique, quoi. Bon, c'était compliqué parce qu'il était parti en solo faire ça tout seul. Les autres étaient restés faire un feu de camp. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et de même, la boucle de gameplay tactique, ça peut être un noyau au service. au service d'un jeu moral. Je prends un exemple que vécu, hein, on a un groupe de personnages bons et un groupe de personnages neutres, et on arrive dans un donjon, et puis on arrive sur des tombes, et puis bah, les personnages neutres disent bah, moi je pille la tombe, quoi, hein, et puis forcément les personnages bons sont rentrés en conflit en disant bah, non, ça se fait pas, profaner une tombe, tout ça, machin. Donc il y a un petit cas moral comme ça, donc bon, on peut y en avoir plein d'autres, hein. Et pareil, cas moral vachement intéressant pour le coup avec le réflexe de loot. C'est un moment les personnages donc voilà qui sont des clochards magnifiques, enfin qui ont plus rien, qui sont dans la galère noire face à une adversité extrêmement pitbullesque. Et en fait, il y a un moment, ils butent un mec qui s'en était pris à eux. Et là, ils disent ouais, vas-y, on le découpe en morceaux et on va aller vendre ses organes au marché noir pour avoir un petit peu de brosouf, pour avoir de quoi manger demain. Ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. C'était vraiment du coup un effet de la boucle de gameplay tactique. Parce que bah, forcément, il y a quand même un gros questionnement. Enfin, il y avait un positionnement moral fort du personnage. Je dirais, ah, vas-y, on est tellement dans la misère que, enfin voilà, chaque mort a un prix, hein, c'est quoi. Alors, un petit point sur adversité et compétition, quoi. Et notamment, j'avais noté ouais, adversité méta, notamment avec des maîtres de jeu qui vont manipuler les joueuses, avec aussi peut-être des tensions interpersonnelles qui vont générer de l'adversité dans le jeu. Et donc, on peut se poser question en fait si le voilà l'adversité méta, ça pourrait pas être malsain quoi. La notion de compétition aussi hein, qui est liée à la mise en jeu de l'adversité quoi. Bah, je pense notamment effectivement quand ça déborde sur l'interpersonnel, il faut savoir se remettre en question quoi. En fait, il y a la notion de est-ce qu'on est dans une compétition ludique? Avec tout ce que ça implique de fair play, d'esprit de match, d'osmose, où est-ce qu'on est dans une compétition des personnes, soit le groupe pour savoir, on joue savoir qui a la plus grosse face au monstre, et où en fait clairement le but c'est un peu d'écraser les autres joueuses par le biais de sa puissance. Puis bon, je parle même pas du PVP en fait, qui traduirait en fait une compétition entre personnes quoi. Donc bah faites très attention avec ça, hein, grosso modo. Est-ce que là, et puis des fois il y a des notions où la compétition elle va être diégétique, hein, PVP ou PVE. Et puis effectivement des fois il y a des choses un peu extra-diégétiques. Alors si je prends si je prends un exemple extrême, le jeu Il était une fois, où en fait il y a le combat, il est pour la narration, quoi, savoir qui a la main sur la narration, et celui qui a gagné en fait. Enfin voilà, et si tu gagnes, si tu arrives à finir l'histoire, à placer tous tes éléments, bon, on pourrait voir ça en jeu de rôle, hein, j'avoue que j'ai pas un exemple comme ça sous le nez, mais ce serait assez facilement transposable en jeu de rôle. Alors bon, il y en a qui disent que Il était une fois est un jeu de rôle, mais je veux dire, c'est pas un jeu de rôle où on a un personnage fixe en tout cas, si c'en est un. On a des personnages qui tournent un peu dans les mains de tout le monde. On pourrait très bien reprendre les mécanismes d'Il était une fois, effectivement avec chacun un seul personnage, et où en fait on se bat pour la narration, et il y aurait un gagnant serait par exemple celui qui aurait placé tous ses mots-clés, ou qui aurait réussi à narrer le plus de choses, et ainsi de suite, quoi. Bon, je pense que je vous ai bien bassiné avec toutes ces notions d'adversité. J'espère que je vous ai donné quelques billes. Moi, ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair, quoi. Déjà, ne serait-ce que sur la notion de combativité, sur bah, contre quoi tu as envie de te battre, contre quoi tu es prêt à te battre. Aussi, entre guillemets, bah, moi, message à la joueuse, j'ai envie de dire, c'est vrai que il y a une notion de lâcher prise face à l'adversité. C'est-à-dire que. On parle de contrat social, il faut accepter Soit qu'effectivement l'adversité s'abatte sur toi comme la misère sur le bas clergé, que le MJ fait pas ça forcément pour te punir, mais qu'il y a sans doute un but narratif derrière ou un but ludique, soit te faire expérimenter un mode cauchemar ou te faire vivre une histoire intense, quoi. Il y a aussi un lâcher-prise de l'autre côté à avoir, c'est quand on te demande effectivement de participer à la définition de l'adversité, voire de participer à la résolution du combat contre l'adversité. Eh bien, d'accepter de le faire. Alors moi, l'argument que j'entends des fois, c'est de dire, ouais, mais c'est pas tellement que ça me sorte de mon personnage, mais que ça me demande des efforts de créativité qui sont dévolus au maître de jeu d'habitude. Donc là, effectivement, il y a ce qui est possible de faire, c'est demander à avoir du temps pour préparer ou demander à avoir de l'aide narrative, quoi. Bah, donner des tables, dire, ah, bah, ok, tu veux que je t'explique comment j'ai battu le dragon pendant que tu t'occupes des autres. Bah, attends, donne-moi quand même des tables aléatoires pour que je puisse savoir, quoi. Dans Itrasbi, par exemple, la résolution contre l'adversité, elle va être gérée par des cartes chance, notamment, quoi, qui vont apporter des indices sur comment la situation a pu se débloquer. Voilà, donc c'était tout. Adversité dure, adversité molle. Est-ce qu'on a besoin et est-ce qu'on faut pas? À quoi elle sert? Comment on l'appréhende? Est-ce qu'on joue contre l'adversité? Est-ce qu'on joue avec? J'ai essayé encore une fois de montrer que tout se vaut en fait. Hein, finalement, ça dépend des joueuses, quoi, hein, de ce qu'elles aiment, quoi. Tout se vaut. Ça dépend, quand vous êtes auteur, de l'expérience que vous voulez proposer. Moi, si, comment? Si je dis que tout se vaut, c'est pas forcément pour avoir un dialogue condescendant en disant ouais, moi j'ai mes préférences, mais je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui aiment jouer d'une autre façon. Ah, c'est bon, c'est des moldus, hein, tant pis pour eux, ils n'ont pas vu la lumière, mais bon, je vais les laisser vivre dans leur crasse, dans leur ignorance, et puis c'est pas grave, ils seront heureux. Non, c'est pas ça en fait. Je pense tout simplement que j'aime bien toutes ces sortes d'adversités, moi, en tant que joueur, elles m'intéressent toutes, hein, à des degrés divers, quoi. Et finalement, quand je dis que tout se vaut, c'est aussi, bon, c'est comment? Effectivement, c'est quand même par non-violence que je le dis. Parce que je pense que quand on théorise le jeu, il faut l'aborder d'une façon neutre, faire des inventaires. Ça me paraît la façon la plus fertile. Parce que tu as des préférences, mais au final, tu vas te rendre compte que telle ou autre manière existe de faire et peut-être qu'elle va avoir un intérêt dans un cas précis. Et que tu vas la reprendre à ton compte. Et puis aussi, voilà, parce que ouais, moi j'aime bien, finalement, j'aime bien un peu toutes les façons de jouer, quoi. Moi, j'ai mes périodes, hein, évidemment. Donc le tactique pur, j'en fais pas souvent, tout simplement parce que j'en ai beaucoup fait. Donc là, je suis passé sur autre chose, mais c'est des cycles, hein. Même le tactique, j'y reviens souvent. Je fais souvent de l'adversité molle, mais quand j'ai fait une Forenza Minima, par exemple, j'ai essayé de bosser sur une adversité dure. Bon, je pense que vous avez aussi vu qu'il y avait une notion doux rebord, c'est-à-dire que l'adversité molle de l'un peut être l'adversité dure de l'autre. Hein, donc, la seule façon de savoir, c'est d'interroger les joueuses, hein, tout simplement. Donc, toujours le sacro-saint débriefing en fin de partie vous sortira de quelques mauvais pas. Bon, bah voilà, salut les chums, portez-vous bien, kiffez bien la vibe, adversez bien, contemplez bien. Et à la prochaine!